الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله جميعا Avant de commencer, je voulais poser une question. Avant de dire la date, est-ce que parce que celui qui enregistre Riyad est absent aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui enregistre le cours à sa place? J'attends la réponse, Inch'Allah. D'accord. Donc, je demande à Al-Jazeri, si c'est possible, de me redonner la date. Donc, en cette soirée du samedi 17, Dhul Qa'dah 1432 de l'Hijr, ce qui correspond avec le 15 octobre 2011, Ibn Taala, nous sommes avec le deuxième cours du livre « Les six fondements » du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, alayhi rahmatullah, expliqué par l'éminent savant, Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah. La fois passée, on avait parlé du premier fondement. Et on avait vu que le premier fondement, c'était quoi? C'était que il fallait adorer Allah Azza wa Jal avec sincérité. Le premier fondement, ça se basait sur comment vouer le culte à Allah Azza wa Jal seul, mais avec sincérité. Et si vous vous souvenez, on avait terminé le cours quand j'avais cité un hadith rapporté par Bukhari Muslim que yani, ou bien par Muslim seulement que il y avait trois personnes que les trois premières personnes qui seraient jetées en enfer Yom Al-Qiyamah j'avais dit que c'était une personne à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala avait donné la science mais qu'elle ne propageait pas qui s'abîme. Mais que Yom Al-Qiyamah, lorsque Allah Ta'ala lui dira, qu'as-tu fait avec la science que je t'ai donnée, il va dire, j'ai propagé fisabillah, Allah Ta'ala va lui dire, tu as menti, les anges vont dire, tu as menti, ensuite on va lui dire, tu l'as propagé ou bien tu lisais le Coran, pour qu'on dise, c'est quelqu'un qui récitait, c'est un récitateur, et les gens ont dit cela. Suite la deuxième personne, pour la personne qui, à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala avait donné beaucoup d'argent, beaucoup de biens, et que Allah ta'ala lui a demandé, qu'as-tu fait avec les biens? Il lui a dit, je les ai, donné, fisabillah, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, qu'est-ce que tu as menti? Les anges vont dire, tu as menti, mais tu donnais pour qu'on dise que tu étais généreux, et ils ont été généreux. Et la troisième personne, pour quelqu'un qui a fait le djihad, Allah subhanahu wa ta'ala, il demandera, yani, qu'as-tu fait? Il a dit, j'ai fait le djihad, fils d'Abidlah. Et Allah Ta'ala lui dira, tu as menti, les anges vont dire, tu as menti. Tu as fait ça juste pour qu'on dise de toi que tu es quelqu'un de courageux. Donc, ces trois personnes-là, ce sont les trois premières personnes parmi tout le monde à être jetées en enfer le jour de la résurrection. Et ces trois personnes, si vous avez remarqué, elles ont un point commun. Quand elle de, yani, c'est quoi le point commun? Le premier, il dépensait son argent et il le donnait aux gens pour qu'on dise de lui, c'est quelqu'un de généreux. Le deuxième, il a soi-disant fait la guerre sainte, mais c'est en fait juste pour qu'on dise de lui, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un de courageux, le chevalier vaillant. Et le troisième, c'est quelqu'un qui, lui a donné la science, mais il faisait ça par ostentation, donc, ils ont un point commun, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de sincérité. Les trois faisaient de l'ostentation. Donc, de là, on revient pour dire que le premier fondement insiste beaucoup sur la sincérité. Adorer le Seigneur avec sincérité. Plusieurs gens l'adorent, mais ce n'est pas tout le monde qui l'adore avec sincérité. Quant au deuxième fondement, je vais le lire une fois en arabe, ensuite en français, et l'expliquer بإذن الله. Le cheikh dit, أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبل نفهلك. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراع أصبح هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Donc, dans le deuxième fondement, le cheikh a dit, je vais d'abord dire un peu en arabe, un peu en français. أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, exalté soit-il, a ordonné l'union, a ordonné la convergence dans la religion et a interdit la division. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. Et Allah subhanahu wa ta'ala a montré cela de façon claire et explicite, de sorte que sa compréhension est accessible même aux gens de la masse. وَنَهَانَا أَن نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَدَكُوا. Et il nous a interdit de nous diviser et de nous désunir à la façon de ceux qui nous ont précédés, qui ont concouru à leur perdition. وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ. Et il a insisté sur le commandement adressé aux musulmans d'être unis dans leur religion et son interdiction de s'y diviser. وَيَزِيدُ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ فِي ذَلِكَ. Ceci est d'autant plus clair que la sunna y insiste d'une façon étonnante. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه أتبع هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Mais on est arrivé à une situation où la discorde sur les principes fondamentaux, et la discorde et la divergence sur les principes fondamentaux et secondaires de la foi sont devenus considérés comme étant la vraie science religieuse, c'est-à-dire on est arrivé à une situation où quiconque soutient l'accord et l'union et la convergence en matière de religion, celui-là est considéré comme hérétique ou bien fou. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a commencé son explication en disant qawluhu, c'est-à-dire quand Muhammad ibn Abd al-Wahhab a dit amara Allah bil ijtima'i fi ad-din wa naha 'an at-tafarruq fi. Allah a ordonné l'union dans la religion et a interdit la division. Cheikh a dit al-asl athani min al-usul allati sa'aha ash-shaykh rahimahullah الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. Il a dit le deuxième fondement que le cheikh rahimahullah a cité, c'est, il a dit الاجتماع في الدين, c'est l'union dans la religion, والنهي et l'interdiction عن التفرق فيه, l'interdiction de s'y diviser. وهذا الأصل العظيم, et ce fondement très important, قد دل عليه كتاب الله عز وجل. Ce fondement très important, hein, est basé sur le Coran. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et sur la sunna. وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. Et on trouve ça aussi dans le chemin des Sahaba, aussi dans leur comportement, ou Salaf Salih Rahimahullah, et dans le chemin des prédécesseurs aussi, alayhim rahmatullah. Amma kitabullahi ta'ala, une seconde avant que je donne les versets, Muslim, ouvre-moi le PV, barakallahu fik. J'ai oublié les versets. Ça y est, quand le fichier arrive, tu me dis. Donc le cher... trouve sa source dans le Coran. Il a dit dans le Coran, la Sunna, et aussi dans la vie des Sahaba, et aussi des Salaf Salah, les prédécesseurs, alayhi rahmatullah. Maintenant, le Cheikh Rahimahullah va citer, hein, va citer où se trouve ça dans le Coran, quels sont les versets, il va citer quelques versets qui parlent de l'exhortation des croyants à ceux à être unis. Ensuite, il va donner des hadiths, ensuite, yani, Amal Sahaba, ensuite, Salaf. Taïb Muslim, il n'y a rien qui arrive, hein. طيب معلش est-ce que tu veux dire qu'il est arrivé Muslim est-ce que tu veux dire qu'il est arrivé là d'accord on va essayer une deuxième fois là. Je suis en train d'essayer, Inch'Allah, chauffe. Inch'Allah. Et donc le premier verset, Inch'Allah Ta'ala. Le premier verset où Allah Subhanahu wa Ta'ala a insisté sur le fait que les croyants doivent s'unir et converger dans la religion. Où Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit dans le Coran, Sourate Ali Imran, verset 102-103. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو vous les croyants craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Et cramponnez-vous tous ensemble au حبل حبل c'est-à-dire le câble au câble d'Allah Azza wa Jal Et ne soyez pas divisés Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et, c'est pas terminé, il dit, et alors, que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous a sauvé. Ainsi Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Alors regardez, le ni'ma, regardez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le fadl kabir. Non. C'est lui, il a dit quoi? Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Subhanallah. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Non seulement, il a réconcilié les cœurs, mais encore il a ajouté quelque chose dans les cœurs pour que on soit devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous a sauvé. Ainsi Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Non. Combien de personnes étaient au bord d'un abîme de feu? combien de personnes si elles étaient mortes, si elles étaient mortes, avant de se reconvertir, si elles n'étaient pas musulmanes, ou bien avant de commencer à appliquer, si elles n'étaient pas, si elles étaient musulmanes, mais n'appliquaient pas. Toutes ces personnes, si elles étaient mortes avant cela, hein, ça veut dire qu'avant de mourir, elles étaient au bord d'un abîme de feu. Elles étaient au bord de l'abîme. Il aurait suffi que ces gens-là meurent pour qu'ils se seraient retrouvés en enfer pour l'ayad ou billah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait quoi? C'est lui qui nous a sauvés, naam, alors qu'on était sur ou là, au bord d'un abîme de feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, nous montre ces signes afin que on soit bien guidé et nous, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait cette chose pour nous. Naam. Il a dit aussi, Surat Ali Imran, verset 105. Surat Ali Imran, verset 105. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis, naam, et se sont mis à disputer, bien à se disputer, après que les preuves leur furent venues. Et ceux-là auront un énorme châtiment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit quoi? Nous interdit qu'on se divise et qu'on se dispute. Après que maintenant les preuves furent venues. Et il a dit aussi dans Surat Al-Anfal, verset 46, Surat Al-Anfal, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَلَا تَنَازَعُوا. Et ne vous disputez pas. فَتَفْشَلُوا. Sinon vous fléchirez. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Et vous perdrez votre force. Naam. À chaque fois que les musulmans et les croyants se disputent entre eux, qu'est-ce qui se passe? Ils fléchissent et deviennent faibles. Ils deviennent faibles. Allah l'Azim. À chaque fois qu'il y a une désunion, c'est la faiblesse. Et ils perdent leur force. Et à chaque fois qu'ils sont unis, naam, ils sont forts. C'est pour ça que les ennemis de l'islam ont toujours peur de quoi? Que les musulmans soient unis. C'est pour ça qu'ils font tous leurs efforts pour semer la désunion entre les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-An'am, verset 159, il a dit, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Et ça rentre dans le fait d'émietter la religion et de se diviser en sectes, de ce qu'on appelle créer des partis. Non. Des partis, je veux dire, partis islamiques. Je ne parle pas des partis des socialistes et des profanes. Je parle des partis islamiques. Partis de l'autre partis de, comment on dit, l'Adala, partis de l'égalité, partis de ceci, partis de cela, partis de Mahba, partis de l'Ikhwan Muslimon, partis de ceci. Non. Tout cela, ça fait quoi? Ça émiette la religion. Ça la rend faible. Pourquoi? Ça devient des sectes. Donc, chacun se dit, mon parti est le meilleur. Et chacun va se dire quoi? Chacun va se dire, celui qui n'est pas dans mon parti, même si c'est un musulman croyant, c'est mon ennemi. La preuve, quand il va y avoir des élections, supposons qu'il y ait 5 partis islamiques qui, il y a une prétendent à, par exemple, au présidentiel. Il y a 5 partis islamiques, par exemple, là, ce sont tous des musulmans, les 5 partis, tous des croyants. Tous prêtent, ils jeûnent jeudi, lundi, ils passent la nuit à prier peut-être. Mais chacun dit que l'autre parti, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ce sont mes ennemis. La preuve, il leur fait la concurrence. Il les déteste, il leur fait des coups pour que ce soit lui qui arrive, c'est et non pas eux. Donc vous voyez comment, quand on rentre dans des partis, comment que on devient des ennemis l'un envers l'autre alors qu'on est tous musulmans, alors qu'on devrait s'aimer et être comme une seule main contre l'ennemi. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sur Shura, verset 13, Allah ta'ala, Shara'a lakum min ad-din, ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc Allah Ta'ala, il vous a légiféré en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé, Noé, ce que nous avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, Moussa et Isa, Jésus. Qu'est-ce qu'on a enjoint ? Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Donc, l'exhortation à s'unir et à être une seule main, un seul cœur, ce n'est pas une chose qui a été dite seulement à nous, mais en commençant par nous et nous, jusqu'à terminer aussi par Isa, Jésus, avant le prophète Mohammed a.s. Donc à eux tous, ils ont reçu le même commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de quoi ? C'est de s'unir et d'être une seule main et de ne pas émietter la religion et de ne pas se disperser. Le Cheikh Rahimallah dit, ابن عثيمين رحمه الله دي ففي هذه الآيات دونك دون سي فيرسي نهى الله تعالى عن التفرق الله سبحانه وتعالى عن تغدي لا ديفيزيون وبين عواقبه الوخيمة et a montré les conséquences désastreuses de la désunion et de la divergence les conséquences désastreuses à l'alfard sur l'individu والمجتمع sur la société والأمة بأسرها et sur la communauté entière. نعم il n'y a pas une division, une désunion sans que ça donne des conséquences désastreuses. C'est une règle générale. Ensuite le shirk dit وأما دلالة السنة donc ça c'était le Coran. Maintenant en ce qui concerne la sunna on va citer quelques hadiths qui montrent qu'il est obligé que les croyants s'unissent et pas leur possible pour ne pas se désunir. Il a cité le hadith. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam a dit Al-Muslimu akhul muslim. Le musulman est le frère du musulman. La yadhlimuhu. Il ne lui fait pas tort. Il ne l'opprime pas. Wa la yakhdhuluhu. Il ne l'abandonne pas. Et il ne donne pas ses ennemis. Et il ne le méprise pas. Il ne le méprise pas. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, frappa trois fois sa poitrine. Et, en montrant ça sa poitrine, il a dit, At-taqwa hauna. Il a dit, la crainte d'Allah se trouve ici. Ensuite, il a dit, بِحَسْبِ مْرِئٍ مِنَ الشَّرْ أَنْ يَحْقِرَ أَخَهُ الْمُسْلِمِ. Il a dit, le pire de l'iniquité et la pire de l'injustice est que le musulman méprise son frère musulman. Ensuite, il a dit, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٍ. Tout ce qui appartient aux musulmans est interdit aux musulmans. Damo, son sang, wa erdo, son honneur, wa melo, son bien. Tout ce qui appartient aux musulmans est interdit aux musulmans. Non. Côté riwaya, dans une autre version, toujours dans Sahih al-Bukhari, qu'est-ce qu'il a dit? La taqata'u, ne rompez pas vos relations. Wa la tadabaru, ne vous ignorez pas. Wa la tabaradu, ne vous détestez pas. وَلَا تَحَسَدُوا ne vous enviez pas soyez pas jaloux les uns des autres وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَا et soyez les serviteurs d'Allah Azza wa Jal frères et fraternels et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans un hadith aussi rapporté par Al-Bukhari il a dit الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا le croyant et pour le croyant comme un édifice dont les briques se soutiennent les unes les autres. Non. Donc, les croyants, c'est quoi? Le tout, la société. C'est comme un édifice, disons une tour. Non. Et une tour, elle est formée de quoi? De briques. chaque royaume, c'est une brique à l'intérieur de cet édifice. Maintenant, si on enlève une brique, déjà, ça donne un mal aperçu. Non. Qu'en est-il maintenant si on va enlever 10, 20, 30 briques, ensuite la tour va tomber automatiquement. Donc, regardez cet exemple, la métaphore qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aucune personne ne peut donner un exemple pareil, même si ça paraît simple. C'est juste de dire que le croyant est pour le croyant comme un édifice, dont les briques se soutiennent les unes les autres. Subhanallah al-Azim. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été ingénieur, n'a jamais fait la maçonnerie, ni ingénieur en bâtiment, ni rien. Mais il connaît ces choses-là par wahy. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, dans un hadith bon, Hassan li ghayrihi, qui se trouve dans Sahih Tirmidhi, pour le numéro 2118. Il a dit à un compagnon, qui s'appelle Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu ta'ala, très connu, il lui a dit, Ana adulluka ala tijara, dis-moi Abu Ayyub, tu voudrais pas que je te conseille, disons, je te montre une comment qu'on dit tijara, un commerce. Donc, vous voyez, tout le monde aime le commerce, pas les gens aiment le commerce, les gens aiment faire de l'argent. Il lui a dit, tu voudrais pas que je te montre un commerce à la belle ya Rasulallah. Il lui a dit, si ya Rasulallah, c'est quoi ce commerce? Il lui a dit, c'est ça fil islah ibn al-nas. Il lui a dit, tu essaies de réconcilier entre les gens quand ils rompent les relations entre eux. Et tu essaies de rapprocher entre eux s'ils commencent à s'éloigner. Voilà, je te montre le vrai commerce. Donc si quelqu'un veut vraiment travailler, veut vraiment faire rentrer beaucoup, beaucoup d'argent, et l'argent ici c'est des récompenses, alors c'est clair ce commerce. Il n'a besoin ni de registre de commerce, ni de local. Il lui suffit juste de chercher quels sont les gens qu'il connaît et ne se parle plus. Alors, il va chez celui-là et celui-ci et il essaye de réconcilier entre eux, quitte mentir. C'est là l'un des endroits où c'est permis de mentir. Donc, tellement, c'est important, tellement c'est wajib, que c'est permis de mentir. Sinon, c'est pas permis de mentir pour quelque chose qui est juste, qui est surérogatoire. Ah, et il a dit ensuite, tu essaies de rapprocher d'eux quand tu sens que deux personnes commencent à s'éloigner l'une vers l'autre. Tu essaies de rapprocher. Et ça, c'est le vrai commerce que dans les récompenses, tu les rencontreras demain, tu les verras demain quand tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala. وفي مقابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالتحاب والتآلف ومحبة الخير والتعاون على البر والتقوى وفعل الأسباب التي تقوي ذلك وتنميه في مقابلة ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوجب تفرق المسلمين وتباعدهم إلى دي الشيخ رحمه الله الشيخ بن عبد الوهاب إلى دي maintenant quand الشيخ بن عبد الوهاب نعم a cité les versets et les hadiths etc. Qui exhorte les croyants à s'unir et à ne pas diverger, il a dit, en contrepartie, en revanche, Allah subhanahu wa ta'ala a aussi interdit et fermé toutes les portes et toutes les issues à ce qui est capable de désunir les musulmans. Donc, non seulement l'islam, non seulement il t'exhorte à t'unir, par exemple, à ce qu'on s'unisse, mais aussi, il nous ferme toutes les portes qui peuvent être la cause de la désunion. Et tout cela, bien sûr, à cause de ce qu'il y a comme grand mot et grand tort dans la division et la haine. Non. Tout cela à cause de ce qu'il y a comme grand mot et grand tort dans la division et la haine. فالتفرق هو قرة عين شياطين الجن والإنس. Le Cheikh رحمه الله a dit la désunion. Non. Et la divergence, il a dit, c'est la قرة عين. Il a dit, c'est la réjouissance pour les yeux. Hein, on dit, en islam, en arabe aussi, on dit quand une chose nous plaît beaucoup, on dit Qurratu Aini. On dit cette chose c'est Qurratu Aini. Comme on dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Ujallana min azwajina wa dhurriyyatina Qurrata A'yun. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous, pour de nos enfants, de la réjouissance pour nos yeux. Ici, le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit, la désunion et la divergence entre les musulmans, c'est de la réjouissance pour les yeux des shayatins. Les shayatins, les djinns, et bien c'est les shayatins des êtres humains. Pour eux, c'est la réjouissance des yeux. Pourquoi ? Les enna shayatins al-insi wal-djinni, la yawadduna min ahli l'islam, an-nishtami'u fiché. Car il a dit, les shayatins des êtres humains et les shayatins des djinns ne voudraient jamais que les gens de l'islam ne s'unissent. Par contre, ils veulent que les musulmans se désunissent et s'émiettent, deviennent comme des miettes. Les annahum ya'lamuna anna tafattut lil quwwa. Car ils savent que la désunion, c'est de l'émiettement de la force. La désunion, ça équivaut à l'émiettement de la force. C'est la division, c'est l'émiettement de la force qu'on obtient du fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils font tout leur possible pour nous diviser afin qu'on faiblisse et que notre force s'émiette. Il a dit, « فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ حَسْتَ عَلَى التَّآلُفْ » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à exhorter les gens pour yani, qu'ils s'unissent, pour tahab, et pour qu'ils s'entraînent, Il a dit, il a exhorté à ceux-là, bi-qawdi, yani, en disant des choses, wa bi-fi'li, et en faisant aussi des choses, c'est-à-dire verbalement et avec les actes. Wa naha an tafarruq wa al-ikhtilaf fi ad-din alladhi yu'addi ila tafriq al-kalima wa dhahab ar-rih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit tout ce qui est division, tout ce qui est divergence, et tout ce qui fait, tout ce qui émiette la force du croyant. Donc, on a vu les versets qui ont rapport avec ça, ensuite on a vu les hadiths qui ont rapport avec ça, reste quoi ? Reste Sahaba, Amal Sahaba, sont ensuite les plus prédécesseurs. Quant au Sahaba, radiallahu ta'ala, on va prouver qu'ils étaient contre la désunion et qu'ils faisait leur possible pour être tout le temps unis. Il a dit, فَقَدْ وَقَعَ بَيْنَهُمْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَنُمْ الْإِخْتِلَافِ. Il a dit, parmi les Sahaba, il y avait des divergences. لَكِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ التَّفَرُّقُ وَلَا الْعَدَوَى وَلَا الْبَغْضَى. Il a dit, il y a eu des divergences, là, mais il a dit, ces divergences-là ne sont jamais arrivées à la haine, au point où ils se détester, ils ont commencé à se détester ou bien à se haïr. Non, il a dit, فَقَدْ حَصَلَ الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. Il a dit, les sahaba radiallahu ta'ala anhum ont divergé sur certaines choses, autant même où le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même était vivant parmi eux. Donc, en présence du prophète alayhi salatu wa sallam, les sahaba ont divergé. Mais leur divergence n'est pas arrivée au point où ils se sont haïs ou encore ils se sont gagnés battus les uns les autres. Non. Famine Badik, il va donner quelques exemples, il a dit Famine Badik. Entre autres, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Lamna Sariha min Ghazwati al-Ahzab. Quand une fois, il venait terminer la bataille des coalisés, l'Ahzab, wa ja'ahu Jibril. Et Jibril alayhi salam est venu, Ya'muruhu an yakhruja ila bani Qurayda. Pour lui dire, bien Mohammed, il lui a dit, vous avez descendu vos épées. Il a dit, nous, les anges, les épées, on les a pas encore rendues dans les ganges. Oh, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, yani, la bataille n'est pas encore terminée. Il lui a dit que, yani, tu devrais partir maintenant vers Beni Qurayza. Beni Qurayza, une tribu de juifs. Tu devrais aller là-bas les combattre. Les combats, hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Al-Muhim. Alors ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Aux compagnons, radiallahu ta'ala anhum, il leur a dit, لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. حديث rapporté par Al-Bukhari. Le prophète Hassan leur a dit, écoutez bien ce qu'il leur a dit, que personne ne fasse la prière de l'Asr sauf à Bani Qurayza. À Bani Qurayza. Pour que vous compreniez un peu, c'est comme si, par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, on est à Lyon. On est à Lyon, par exemple. Et, par exemple, moi je dis à un groupe de frères, je leur dis, personne, les salat al-Dhuhr, par exemple, je leur dis que personne ne fasse la salat de l'Asr qu'à Paris. Que personne ne fasse la salat de l'Asr qu'à Paris. Car on doit partir maintenant vers Paris. Alors, je leur donne une recommandation, que personne ne fasse la salat de l'Asr qu'à Paris. Ça y est. Donc, ils sont sortis de Médine, Khalil Medina, voulant aller vers Bani Qurayza. Vers, par exemple, la ville que je viens de citer, Bani Qurayza. Ils sont sortis de Lyon, ils veulent partir vers Paris, pour l'exemple que j'ai donné. Et maintenant, le temps, l'heure de salat al-Asr est arrivée, l'heure de la prière. Alors certains ont dit, « La nusalli illa fi Bani Qurayza, wa lo ghabat ash-shams. » Ils ont dit, moi, certains ont dit, certains sahaba, nous, on ne va faire la salat al-Asr qu'arriver à Bani Qurayza, qu'arriver à Paris. Car le prophète, c'est lui qui a dit que personne ne fait la salat al-Asr qu'à Bani Qurayza. Donc, nous on va dire, j'ai entendu, j'applique. Certains sahabas ont dit comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous sommes les waqt. Ils ont dit, nous, au contraire, à faire la prière maintenant. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que personne ne passe à la place qu'à Bani Qurayza, il n'a pas voulu dire, mais si jamais c'est l'heure de la salat, ne la faites pas. Mais il a voulu dire, faites vite, hâtez-vous, empressez-vous pour que vous arriviez à Bani Qurayza, à Paris, à l'exemple que j'ai cité, pour que vous arriviez à salat al-Asr là-bas. Mais il n'a pas dit, si jamais maintenant vous n'arrivez pas là-bas, et c'est le moment de salat al-Asr, alors ne faites pas salat al-Asr. Vous avez compris. Le shir dit. Il a dit, فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Après, le soir, ou là, le lendemain, quand ils ont rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a eu vent de ce qui s'est passé. On lui a raconté ce qui s'est passé, il a dit, فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا مِنْهُمْ وَلَمْ يُوَبِّخُ عَلَى مَفَهِمْ. Ni il a été violent dans ses propos avec quiconque. Ni encore il a blâmé quelqu'un. Et pourtant, vous avez remarqué, certains ont fait cela parce en cours de chemin, et les autres ont dit non. Ils nous ont, et le prophète Hassan nous a dit, faites salat al-Asr quand vous arrivez à l'heure, c'est-à-dire à Bani Qurayza. Donc nous, yani, on va faire salat al-Asr à Bani Qurayza, pas ici. Et les autres ont dit non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire faites vite pour que vous soyez à Bani Qurayza salat al-Asr. Mais il n'a pas dit ne la faites pas si c'est le moment de la faire. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand on lui a raconté ce qui s'est passé, cette divergence, il n'a pas dit à ceux qui ont fait la prière, yani en cours de chemin, pourquoi l'avez-vous faite? Je vous ai dit de la faire à Bani Qurayza. Et il n'a pas dit à ceux qui ne l'ont pas faite, pourquoi vous l'avez pas faite alors que c'était le moment de salat al-Asr. Vous avez compris? Alors que, comme disait avant, c'est obligé que l'un des deux groupes se soit trompé. C'est obligé. C'est pas possible que les deux aient raison. C'est-à-dire celui qui a fait la prière en cours de chemin, il a raison, et celui qui ne l'a laissé, qu'à Bani Qurayza, il a raison. C'est pas possible, c'est l'un des deux qui a raison. Mais le prophète Aslam n'a pas voulu blâmer, ni être violent avec celui qui s'est trompé. Pourquoi? Car ça a été fait après des efforts, ça s'appelle Ijtihad. Ils ont fait des efforts de réflexion, ils ont vu que, voilà pour eux ce que veut dire le hadith. On peut aussi citer le hadith que Cheikh ici n'a pas cité, rahimahullah, mais qui se trouve dans Mishkat, Mishkat Masabih de Cheikh Al-Albani, sous le numéro 533, que vous connaissez tous, où deux personnes, deux sahaba, étaient comme ça en voyage, et c'était le moment de faire la prière. Ils n'ont pas trouvé d'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le tayammum. Ils ont bu son sèche. Ensuite, une heure après, ou la deux heures, ou là, trois heures, là, ils ont trouvé de l'eau. Alors, l'une des deux personnes a refait les ablutions, hein, et a fait refait la prière. Et l'autre, la deuxième personne, n'a refait ni les ablutions, ni la prière. Il a dit, moi, j'ai fait avec le tayammum, ça me suffit. Le tayammum, c'est comme de l'eau. Donc, ma prière est valide, je refais pas. Qu'ils ont rencontré le prophète, c'est ce qu'il a dit. Il a dit à celui qui a refait la salat et refait les ablutions avec de l'eau, tu as les récompenses deux fois. Et il a dit à celui qui n'a pas refait les ablutions ni refait la salat, il lui a dit Asabta sunna. Asabta sunna. Tu es vraiment, tu es tombé sur la sunna. Non, tu as fait la sunna. Disons, tu as appliqué la sunna. Donc, certains vont dire ici. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut prendre de là? On peut prendre de là que Allah l'Azim, le prophète Hassan, n'a blâmé aucune de ces deux personnes. Aucune de ces deux personnes. Ni lui a tenu des propos violents. Non, au contraire. Il l'a dit. À une personne, il lui a dit, tu as deux fois les récompenses. Et à l'autre, il lui a dit, tu as appliqué la sunna. Si certains vont dire, quel est ici, Yanni? Quel est ici celui qui avait plus raison? Plus raison. Celui auquel il a dit, tu as les récompenses deux fois, ou bien celui auquel il a dit, tu as appliqué la sunna? La réponse est, celui auquel il a dit, tu as appliqué la sunna. C'est pour ça que l'autre, quand il lui a dit, tu as eu les récompenses deux fois, pourquoi deux fois? Tiens, il a fait deux fois. Ça fait deux fois les ablutions, deux fois la salat. Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un fait des efforts, même s'il se trompe, il lui donne des récompenses. Donc il a fait deux efforts, il lui a donné des récompenses. Mais quand il a dit à l'autre, toi tu as appliqué la sunna, ça veut dire que c'est plus que deux récompenses. Toi, tu es vraiment dans la sunna. Ça veut dire que l'autre n'est pas dans la sunna. Il s'est trompé, il n'est pas tombé dans la sunna. C'est toi qui as, alhamdoulilah, Rabbi Subhanahu t'a guidé vers la sunna. Si maintenant, de nos jours, une personne, par exemple, va dire, est-ce que, par exemple, c'est permis, par exemple, de faire comme le premier, s'il n'y a pas d'eau, ensuite, quand je trouve l'eau, je vais refaire les ablutions, refaire le salat, la salat, comme ça, j'aurai deux récompenses. On lui dit, comme disait avant, c'est interdit, c'est haram. C'est interdit, c'est haram. Après quoi? Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait clarifié la chose. Il a montré que la sunna, c'était de ne pas refaire les ablutions et de ne pas refaire la salat. Pour quelqu'un qui a fait les ablutions sèches, ensuite a trouvé de l'eau après avoir terminé sa salat. Celui-là, il ne refait ni les ablutions, ni la salat. Non. Et il ne va pas dire, je vais faire comme l'autre, j'aurai deux récompenses. On lui dit non. Lorsqu'il a fait des efforts, ensuite, Allah Ta'ala lui a donné, mais malgré qu'il s'est trompé. Mais ensuite, le prophète a montré que la sunna, la vraie ici, c'était de ne pas refaire. Donc maintenant, si quelqu'un va dire, j'applique pas la sunna, il peut même avoir des péchés. Non. Mais encore, j'ai un autre exemple ici à citer, Inch'Allah Ta'ala. C'est ce qui s'est passé une fois, dans une bataille. Les sahabas disent que il y avait des nuages, hein, et on n'a pas pu savoir où était exactement la Qibla. C'était le soir, hein, ils avaient l'habitude de se baser sur certaines étoiles. Il a dit, on n'a rien vu. Il a dit, alors chacun de nous a fait la prière tout seul. Au lieu de la faire en groupe, vers une même Qibla, ils n'ont pas été d'accord. Chacun dit, non, la Qibla, c'est pas de ce côté, c'est de l'autre. Non, la Qibla, c'est pas de ce côté, c'est de l'autre. Alors, ils ont dit, alors que chacun fasse la prière vers la direction vers laquelle son cœur est apaisé. Non. Mais ils ont dit, après avoir fait la salat, ils ont dit, on va faire comme ça, une trace, on va tracer l'endroit. Chacun va tracer comme ça avec un bâton sur la terre, l'endroit où il a fait, la Qibla, Et le lendemain, on va vérifier, Inch'Allah Ta'ala, qu'on ne fera pas de nuages. Le lendemain, il a dit, on a vu, chacun a vu l'endroit de sa Qibla, alors qu'on a trouvé que personne n'a fait la salat sur la vraie Qibla. Ils ont dit, on a rapporté ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne nous a pas ordonné de refaire la salat. Mieux encore, il a dit, قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُكُمْ. Il a dit, votre salat est valide. Page, vous pouvez trouver ça dans cette salat al-Nabi. La description de la salat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme si on le voyait, page 76. Donc, vous voyez, hein, remarquez avec moi. Chacun, nam, a fait, yani, la salat d'après la Qibla, yani, qui lui-même se disait dans son cœur, c'est ça l'endroit de la Qibla, c'est pas à notre côté. Et vous avez remarqué que chacun choisit une direction et ils ne se sont ni dit des gros mots, ni se sont bagarrés avec des coups de poing, ni avec des couteaux, ni ils ont rompu les relations. Mais au contraire, c'était très cordial, très amical. Ils ont dit même, c'est comme un jeu. On va maintenant, chacun tracer l'endroit où on a fait la prière pour voir le lendemain et vérifier. Ils ont vérifié le lendemain, ils ont dit, on s'est tous trompés. Et ils ont raconté ça au prophète Aslam, qui a dit que votre salat est valide, ne la refaites pas. Subhanallah, regardez comment les sahaba, radiallahu ta'ala anhum, comment ils avaient compris l'islam. Chez nous, tu trouves des frères, surtout même des sœurs, pour une petite chose. Une petite, c'est pas la Qibla, il te dit tu es kafir. Tu n'as pas fait la prière dans la direction que moi aussi je prends, alors là tu es kafir. Mais pour des petites choses comme ça, ils peuvent ne plus se reparler. Non. Même si l'autre personne n'est pas convaincue. Subhanallah l'adhim. Tu voudrais, yani que tu me convainques, yani alors que moi je suis pas convaincu. Alhamdoulilah, moi je suis pas en train de suivre mes passions. Moi je te dis que Cheikh Al-Albani a dit, je te dis Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, je te dis Cheikh Ibn Baz a dit, je te dis Cheikh Rajih a dit. J'ai pas tiré ça des choses de ma tête. Toi, tu as pris l'avis de X et Y des grands savants, mashallah. Moi aussi, il y a d'autres savants qui m'ont convaincu que c'est l'avis le plus juste. J'ai lu les délices de cela et cela. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire, ya akhi, mashallah, barakallah, ya akhi, jazakallah khayran. Wallah, yani. Allah, yani, ce qui me plaît en toi, yani, tu n'es pas en train de suivre tes passions. Yani, tu as cité des délits. Donc, tu es convaincu d'après les délits de ces savants. Donc, pourquoi moi, je vais, yani, convaincre cette personne, il faut qu'elle suive. Il faut qu'elle suive mon avis, sinon, on va rompre les relations. Si elle ne suit pas mon avis, je dois, yani, ne plus lui parler. Ça, c'est vraiment, yani, vraiment, ce sont les gens qui font cela, ce sont les gens qui sont vraiment débutants et n'ont rien compris à l'islam. N'ont rien compris à l'islam. Naam. Wa amma amalu salaf salih. Quant à, maintenant, les preuves de ce qu'il y a chez les prédécesseurs, rahmahoullah, fa inna min usuli ahli sunna wa jama'at fi al-mata'ib khilafiyyati, anna ma kana al-khilafu fihi sadiran an ijtihad, wa kana mimma yasughu fihi al-ijtihad, fa inna ba'dahum ya'dhuru ba'dan bil khilafi, ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضاء بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف. Excusez dit il a dit ce qui est connu chez les fondements de Al-Sunna al-Jama'a que toute divergence qui vient ou là qui provient après avoir fait des efforts dans une chose dans laquelle il est permis de diverger. On n'est pas en train de parler maintenant des fondements de la Aqida. Que quelqu'un va dire, on va diverger, moi je dis, il y a les anges. L'autre, il me dit, non, les anges, ça n'existe pas. Moi je dis, il y a l'enfer. L'autre, il me dit, non, il n'y a pas l'enfer, il y a seulement le paradis. Moi je dis, non, pas dans ces choses-là. Parce qu'on est fondements de la Aqida. Je parle des choses dans le fiqh. Des choses, yani, dans Wodo, dans Siwak, dans Tahit Masjid, dans ceci, dans Niqab, dans ceci. Il a dit les choses où c'est permis de diverger. Il a dit, les sunnah et jama'a sont unanimes pour dire que quand c'est une chose dans laquelle il est possible de diverger, que yani, les prédécesseurs, les pieux prédécesseurs, n'ont toujours s'excuser et trouver des excuses les uns aux autres. Et jamais il a dit il n'y avait de adawa. Jamais il n'y avait de un entre eux. Ou elle a haqd. Attendez, comment on dit yahqid? Ni jamais de vengeance. Jamais de vengeance entre eux. Ou elle a barda. Ni un. Bel yataqidun. Mais il disait quoi? Un nom ikhwa. Il reconnaissait que c'est des frères. Hatta wa in hasana bayna madkhila. Ils étaient des frères malgré les divergences qu'il y avait. Hatta in al-wahid minhum la yusalli khalfa man yara annahu laysa ala wudu. Il a dit au point, subhanallah al-azim. Ils acceptaient les divergences au point où il a dit tu trouves un sahabi radiyallahu ta'ala anhum qui accepte de faire la prière une personne ou bien un imam qui pour lui n'a pas les ablutions. Subhanallah al-Azim. Tellement, subhanallah al-Azim, tellement yani, ils avaient compris des choses. Tellement yani, ils acceptaient les divergences. Là où c'est permis les divergences, il a dit au point où certains faisaient la prière derrière des imams qui pour eux les prieurs, ils disaient cet imam n'a pas les ablutions. Comment ça? Comment on n'a pas les ablutions? Regardez ce qu'il disait. Mithl, comme par exemple, en yusalliya khalfa shakhsin, comme celui qui fait la prière derrière un imam, akala lahma ibil, qui vient de manger de la viande du chameau. Wa hadha al-imam yara annahu la yanqudu al-wudu. Cet imam qui vient de manger la viande de chameau, pour lui, il a lu les dalils, pour lui, que ça n'annule pas les ablutions. Vous savez que l'avis le plus juste, c'est que manger de la viande du chameau, ça annule les ablutions. Là, il a dit maintenant, tu vas faire la prière derrière un imam qui pour lui, ça n'annule pas les ablutions. Là, il a dit, les sahaba radiallahu ta'ala, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient la prière, nam, derrière un imam qui pour lui, ça n'annulait pas, mais pour lui, le sahabi, ça annulait. Donc, c'est Allah. Je fais la salade derrière quelqu'un qui, pour moi, n'a pas les ablutions. Et pourtant, sa salade est quoi? Est valide. Alors que si tu la faisais toi-même, tout seul, ta salade ne serait pas valide. Car tu es de l'avis qui dit que manger du chameau, ça annule les ablutions. Et puisque tu as mangé du chameau, donc tu n'as plus d'ablutions. Donc ta salade n'est pas valide. Mais cette personne derrière laquelle tu fais la salade n'est pas convaincue de ce que tu es convaincu. Elle est convaincue du contraire. Que manger du chameau, ça n'annule pas les ablutions. Il va citer des dalils, des hadiths, des je ne sais pas quoi, c'est ce qu'il a lu. Il dit, je suis pas convaincu moi. Donc, tu vas pas dire celui-là, pour moi, puisque je suis de l'avis que ça annule, donc ça doit être annulé aussi pour lui. Donc lui n'a pas d'ablution, donc la salade derrière lui n'est pas valide. Non, il faisait pas ça, radiallahu ta'ala anhu. Il disait, moi, comment qu'on dit, allez, ahtarim, moi je respecte la vie des autres. Pour lui, il a vu, il a fait des efforts, il a trouvé que ça n'annulait pas la viande du chameau. Classe. Donc pour lui la salade est valable. Donc si sa salade est valable, donc je peux faire la salade derrière lui, il peut me guider. Je ne suis pas obligé de, yani, prendre un couteau avec moi ou une barre de fer et lui dire, je vais ouvrir ton cœur et te mettre dans ton cœur que ça annule. La viande chameau, ça annule les ablutions. Allah Ta'ala ne nous a pas demandé cela. Il t'a demandé juste de faire des efforts pour comprendre la chose. Et ensuite, il te donnera des récompenses d'après la compréhension que tu as eue. Si c'est vraiment la compréhension adéquate, tu as gagné deux récompenses. Si c'est une fausse compréhension, tu as seulement une récompense. Mais tu as toujours des récompenses si tu es quelqu'un apte à faire des efforts. Donc il a dit, فَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ أَخَاهُمْ إِذَا خَالَفَهُمْ فِي عَمَلٍ مَا اتِّبَعَ لِلدَّلِيلِ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ قَدْ وَافَقَهُمْ. Il a dit, les sahabas radiallahu ta'ala anhum, et des salafs, hein, ils voyaient que si quelqu'un ne les suivait pas, yani, dans une chose, hein, parce qu'il suit un délit, donc ils ont dit pour eux, celui-là, il n'a pas divergé avec eux. Bien au contraire, il a convergé, il n'a pas divergé, c'est le contraire, il a convergé. Pourquoi? Il a dit, « Yéennahum », écoutez bien la réponse, « Yéennahum », « Yéb'ouna il tiba' d'adil aynamakan », parce que les sahabas, radiallahu ta'ala anhum, et les salafs, ils exhortent les gens à suivre le dalil là où il est. Donc, celui-là maintenant, qui vient de diverger avec eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi les dalils ou bien il a suivi les passions? Il a suivi les dalils. Il s'est dit, le prophète Islam a dit, Allah a dit, les grands savants ont dit. Donc celui-là, c'est ce qu'on voulait nous. Donc, il a convergé avec nous, il n'a pas divergé. Nous, on exerce les gens à suivre le dalil, et celui-là, il a suivi un dalil. Donc, il n'y a pas de divergence entre nous et lui, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala, parce que l'âme, il est revenu vers le livre d'Allah Azza wa Jal, vers la sunna du prophète sallam, et vers yani, les compagnons et les savants. Quant à les choses où il n'est pas permis de diverger, yani, il y a des choses où il n'est pas permis de diverger. Il a dit là, attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Amma ma la yasuru fi al-khilaf fa huwa makana mukhalifan lima kana yasahabu tabi'un. Quant à les choses où il n'est pas permis de diverger, c'est quand on diverge avec des choses où les sahaba et leurs enfants n'ont pas divergé. Comme il a dit, Masa'id al-Aqa'id. Comme l'Aqa'id, hein, les choses qui ont rapport avec l'Aqida, allati dhalla fiha man dhalla minnas. Où beaucoup de gens se sont égarés. Non. Il a dit des choses de l'Aqida, où il n'y a pas eu de khilaf. Qu'après, yani, l'Qurun Mufaddala, qu'après les meilleurs siècles, les trois meilleurs siècles. Ensuite, il va terminer pour dire que tout ce qu'il y a, non, tout ce qui ne concorde pas avec ce qu'il y a dans les trois meilleurs siècles qui ont eu une tazkiya du prophète Sazem, tout cela, ça rentre dans la divergence. Non. Tout cela, ça rentre dans la divergence. Amma al-masa'il lati wujida fi al-khilaf, quant aux choses, non, où, au temps des sahaba, il y a eu des divergences, et des choses où c'est permis de diverger, ces choses-là resteront toujours, il y aura toujours des divergences en ces choses-là, non, jusqu'à la fin du monde. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, إِذَا حَكَمَ الْحَكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا وَإِنْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرًا. Il a dit, maintenant si la personne est le gouvernant, ou le gouverneur, il a dit, il va faire des efforts. L'âme, il va faire des efforts et il va yani, concorder avec la réalité, avec yani, la sunna. Il a dit, s'il fait juste, il aura deux récompenses. Mais s'il ne trouve pas, yani, son pas sur le juste, l'âme, il a dit, il aura une récompense. Donc, le prophète Al-Islam a montré que les divergences, ces divergences-là, sont pas dans la aqida et qui n'ont pas eu lieu au temps des sahaba, il a dit ces divergences là resteront jusqu'à la fin du monde. Donc l'obligation pour tous les croyants, c'est de quoi? C'est d'être une seule communauté et qu'il n'y ait pas entre eux des unions ni yani, être يعني في سكت لي دي بارتي بحيث يتناحرون فيما بينهم ويتعادون ويتبغضون jusqu'au point où ils deviennent hostiles les uns envers les autres, voire des adversaires, voire des ennemis les uns pour les autres. من أجل اختلاف يسوغ في الاجتهاد. Tout cela à cause d'une divergence dans une chose dans laquelle c'est permis de diverger. نعم. C'est comme si quelqu'un, par exemple, va dire maintenant, par exemple, c'est un exemple là, du niqab. Une sœur va dire niqab, c'est obligatoire, l'autre va dire non, c'est seulement sunna. Ah, c'est sunna. Alors, à partir d'aujourd'hui, on va plus parler. Tu es une fatiha, tu es une perverse. tu n'as pas le niqab. Parce qu'on va plus parler. Subhanallah al-Azim. Alors que, il y a eu des divergences, et les divergences, il y a eu pendant les Sahaba, et ces divergences vont rester jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, chacun dira, moi je prends l'avis de X ou bien l'avis de Y. Voilà, moi j'ai mes hadiths, donc il dira, voilà, moi j'ai mes hadiths. Donc, l'essentiel c'est quoi? C'est de rester unis. Naam. C'est de dire, ah bon, tu as tes hadiths, tu es convaincu que c'est ça l'avis le plus juste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, naam, ne te demande que de suivre le délit, c'est tout. Ça demande, suis le délit, ne suis pas tes passions, ne suis pas tes tentations. Tu as suivi le délit, tu as dit Allah a dit, son prophète a dit, les savants ont dit, donc fais la chose de la façon dont tu es convaincu. L'essentiel, tu n'as pas dit, naam, j'ai choisi cet avis parce qu'il me plaît, j'ai choisi cet avis parce qu'il me convient, j'ai choisi cet avis parce que j'ai des amis et je suis complexé devant elle, alors j'ai choisi cet avis ou là. L'essentiel, tu n'as pas dit ça, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, naam. Il a dit, فإنهم وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهمهم فإن هذا أمر فيه ساعة الحمد لله. Il a dit même quand il a dit des divergences dans des choses où il y a des divergences. On a dit il y a des choses où c'est interdit de diverger et il y a des choses où c'est permis de diverger et quand tu diverges tu as des récompenses. Si tu tombes juste tu as deux récompenses sinon une seule récompense. Il a dit, malgré toutes les divergences qu'il y a et qu'il peut y avoir, on doit toujours se fixer un but, c'est quoi? C'est de ne jamais se désunir. Comme les Sahaba. Les Sahaba. Là, ils ne se sont jamais désunis, même s'ils sont arrivés, à des divergences, de grandes divergences. Mais il a dit, ils étaient tous une seule main contre l'ennemi, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour le deuxième fondement. Et on a terminé, inshallah ta'ala, on passera le prochain cours au troisième fondement, inshallah ta'ala. Dans 5 minutes, inshallah ta'ala, on commence les questions-réponses. Et pour faire vite, inshallah ta'ala, je conseille, il y a quelqu'un dans le salon qui s'appelle Ibn Mohamed Jazairi, c'est un admin. Je conseille, ceux qui ont des questions relatives, relatives au cours, de les donner spécialement à Ibn Mohamed Jazairi. Comme ça, on commence par les questions qui ont rapport au cours, avec le cours. Celles qui n'ont pas rapport avec le cours, elles seront écrites alors sur le site, inshallah ta'ala, et le frère muslim va les trier et les lire, inshallah ta'ala, dans 5 minutes. Subhanallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, yani, si vous pouvez mettre le Coran entre temps. Salam alaikum. Désolé parce que je reçois beaucoup de encore en même temps qui n'ont rien à voir avec le cours que je mets un peu de temps. Je vous demande d'arrêter dans tout pour comment faut juste le temps que je lise des questions. Désolé de prendre du temps, mais deux secondes. Ça, je vais mettre en une seconde. C'est TV, donc j'ai peur que ça bloque avec la connexion que j'ai. Normalement ça devrait être bon. Enfin, désolé, cher, je commence la première question. La première question, cher, c'est si dans une question de fiqh, les salafs n'ont pas divergé, est-il permis de diverger sur cette question? Un exemple, savoir si par exemple la permission d'essuyer sur ses chaussons quand les conditions sont remplies, si quelqu'un aujourd'hui renie cette permission, doit-on l'excuser parce que c'est une question de fiqh? Ou est-ce qu'il y a ijma, il n'y a plus, on ne doit pas l'excuser? Deuxième question. Certains utilisent le fondement que nous venons de voir pour dire que puisqu'Allah nous a interdit la division, alors nous devons tous nous côtoyer, c'est-à-dire Ahbash ou Takfiri, Ikhwan et Salafi, etc. Comment répondre à cette personne? J'essaie de trouver une question qui a un rapport avec le cours. La plupart des questions mort en avant. Cher, quand il y a une divergence entre les savants et que l'on est convaincu par les deux avis, c'est-à-dire que le cœur ne tend ni vers celui-là ni vers celui-ci, comme par exemple le niqab, comment fléchir pour dans ce cas-là? Voilà, Cher, toujours par rapport au cours, nous savons que le juge qui fait un effort d'ijtihad a deux récompenses. Nous savons que le juge qui fait un effort d'ijtihad a deux récompenses, s'il ajuste, et une récompense s'il se trompe. Pouvez-vous me confirmer que le talib al-ilm ijtihad a lui aussi deux récompenses, s'il a suivi l'avis du juge? C'est-à-dire que si talib al-ilm suit l'avis juste, il a deux récompenses, et s'il suit l'avis de celui qui a faux, a une récompense. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si c'est bien clair. Voilà ce que j'ai en rapport avec le cours pour l'instant. Non, c'est pas sûr. Pour le moment, cher, on va reprendre cela le temps que je relise les autres. Ibn Mohamed, combien de questions as-tu lues? 3. Non. Donc je lis la suite, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Un proche qui a fait le Hajj fait des choses pas correctes, discute avec des femmes. 4. Non. Donc je lis une dernière, Inch'Allah. Un proche qui a fait le Hajj fait des choses pas correctes, discute avec des femmes, regarde des choses pas saines à la télé. Comment le faire changer? Il n'est pas évident de lui parler car il est nerveux et ne veut pas entendre ce que l'on dit. Comment trouver les mots justes qui fera peut-être un déclic? J'ai vraiment envie qu'il change pour qu'il évite le feu de l'enfer. J'ai peur pour lui. Barakallahu fikoum pour vos conseils. Tfadachir. Taïb, je vais commencer avec la cinquième question, Inch'Allah Ta'ala. Comme ça, je ne serai pas obligé de la noter, puisque je viens de l'écouter. Je dis, bismillahirrahmanirrahim, salat salam, ashraf al-mursalin. Pour la personne qui a dit que pour un hajj, qui fait énormément de fautes et discute avec les femmes et fait je ne sais quoi d'autre. D'abord, moi-même, j'ai une question. Pourquoi la personne a précisé que c'était un hajj? Pourquoi? Elle dit pour celui qui a fait le hajj. Je tiens à corriger. Non? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ça y est, il a fait le hajj. Non, c'est ce que je veux dire, Moussim. Il a fait le hajj et il discute avec les femmes. Pourquoi elle a cité qu'il a fait le hajj? Même s'il n'a pas fait, il ne peut pas discuter avec les femmes. Donc maintenant, pour elle, pour la personne qui a posé les questions, beaucoup de personnes croient que celui qui fait le hajj, alors que ça devient très très interdit pour lui. Ça devient plus interdit pour celui qui n'a pas fait le hajj. Et d'autres croient encore, et c'est pire, croient que si quelqu'un fait le hajj et qu'il se trompe, il va voir un film ou là il va parler avec des femmes ou là, que son hajj est invalide, pour annuler son hajj. Non, beaucoup se trompent et ils croient que c'est comme ça en islam, alors que ce n'est pas comme ça du tout. Maintenant que la personne ait fait le hajj, ou qu'elle n'est pas faite, non, le haram reste toujours haram, et le halal reste toujours halal, s'il ait fait le hajj ou pas. Donc je reviens jeudi, quand une personne est très nerveuse, il faut aller doucement, doucement avec elle. Doucement, très doucement, ça demande quoi? Ça demande beaucoup, beaucoup de hikma, beaucoup de patience, beaucoup de, comment on dit hikma en français, beaucoup de sagesse. Quand une personne est énervée, là, c'est très difficile de lui faire passer le message. Surtout si elle prend une position que telle chose c'est haram ou bien c'est halal, là, pour lui c'est terminé, je veux que personne ne me parle de ce truc-là. Donc là, ça devient très très difficile à faire passer le message. Il faut attendre, Inch'Allah Ta'ala, yani, que la personne soit dans ces moments. C'est pour ça que parmi, yani, dans la da'wah, quand on fait la da'wah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on fait la da'wah, parmi les conditions du da'i, celui qui fait la da'wah, les savants disent, c'est de choisir le moment opportun. Il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari que Abdullah ibn Abbas, le grand compagnon, Hibr al-Umma, et Hibr al-Umma aussi, yani, le plus savant de la Umma, surtout dans l'explication du Coran, l'exégèse du Coran. Comme le prophète Islam, la enlacé, lui a fait des doigts. L'Umma, faqihu fi din wa alimu ta'wil. Celui-là, il est resté, c'est lui qui dit dans Sahih al-Bukhari, qu'il a dit, j'ai voulu poser une question à Omar ibn Khattab. Je suis resté une année à attendre le moment opportun. Chaque fois que je le vois, je lui dis, je me dis, attends, je vais lui dire. Si je lui dis, c'est pas le moment. Parce qu'il est énervé, c'est ceci, c'est cela. Il a attendu une année pour lui poser yani, cette question. Une question simple. Il voulait juste lui demander un verset, c'est qui les femmes que Allah Ta'ala a citées quand il a dit dans tel verset que yani, le prophète Hassan était en colère. Il est resté une année. Donc, ma'am, il faut être très, et yani, avoir beaucoup de chikmah quand on fait la da'wa, surtout à quelqu'un qui est très âgé, qui est très énervé, qui n'accepte pas des jeunes. Il dit comment, celui-là il va m'apprendre la religion. Celui-là ça fait yani, à peine une année, il commence à prier, il a laissé quelques poils sur sa barbe. Là c'est un savon, il a mis un ramis, c'est un savon. Celui-là il va m'apprendre la religion. Bon, ça fait 40 ans que je fais la prière. Donc c'est très difficile, c'est très délicat. Il faut aller doucement, inchallah ta'ala. Ensuite, dis-toi toujours dans ta tête que lorsque tu fais la da'wah à quelqu'un, essaye d'être sincère au maximum pour cette da'wah, soit pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la première. Et deuxième, dis-toi toujours que moi, je vais lui dire gentiment, avec sagesse et hikmah, s'il accepte, alhamdoulilah, s'il n'accepte pas, moi je n'ai rien perdu. Moi j'ai fait ce que Allah ta'ala m'a demandé de faire, c'est de propager. Moi j'ai propagé. Je ne vais pas le contraindre avec une épée à ce qu'il suive ce que je viens de dire. Alhamdulillah. Alhamdulillah, moi, je ne suis que quelqu'un qui répète. Je répète le délit, je dis aux gens la chose avec le délit, ça s'arrête là. S'il fait, applique, c'est pour lui. S'il n'applique pas, c'est contre lui. Ensuite, la première question. La personne m'a dit des selfs. Est-ce que c'est possible de diverger dans une chose où les selfs n'ont pas divergé, comme par exemple, il a cité ici le cas de l'essuiement des chaussons. Non. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que quand les selfs sont unanimes pour dire une chose ou là, yani, convergent autour d'une chose, il est alors interdit, non, de diverger avec eux. Il est interdit de diverger avec eux. Pourquoi? Ça devient ijma. En arabe, ça s'appelle ijma soukouté. Ça devient un consensus. Non, ça devient un consensus qu'il est interdit yani, de, comment on dit en arabe, de trouer. Tahriq al-ijma. Non. Il a cité le cas de l'essuiement des chaussons. L'essuiement des chaussons, non, c'est tellement important que les savants de Al-Sunna al-Jama'a l'ont mis dans leur livre, dans la Aqida. Si vous allez lire les livres de la Aqida de Al-Sunna al-Jama'a, vous allez lire Tahawiyya, vous allez lire Al-Wasitiyya, vous allez lire Sunna de Khalal de Ibn Ahmed. Les livres de la Aqida qui ont été écrits par les selfs et les grands savants, dans le livre de la Aqida, il y a chapitre essuiement des chaussons. Subhanallah al-Azim. Essuyer les chaussons, c'est fiqh. C'est pour faire les ablutions, c'est pour faire la prière. Qu'est-ce que ça a à voir dans la Aqida? Ça a à voir dans la Aqida que les selfs ont fait un consensus sur ce point, qu'il est permis avec le verset et les hadiths d'essuyer sur les chaussons et ce n'est pas la peine de laver son pied, bien sûr avec la condition que yani, avant de faire rentrer les chaussons, j'avais déjà fait les wudu. Et à condition que ce ne soit pas plus de yani, 24 heures comme vous savez et 3 jours pour celui qui est en voyage et d'après Omar ibn Khattab c'est une semaine. Al-Muhim. Donc, maintenant, tous les croyants de Al-Sunna al-Jama'a, tous les savants, tous les gens de Al-Sunna al-Jama'a disent qu'il y a des suivants sur les chaussons. Qui dit qu'il n'y a pas des suivants? Ce sont les gens de la bid'a. Comme par exemple les rabbis, comme les chiites. Chiites, ils te disent qu'il n'y a pas. Il n'y a pas des suivants sur les choses. Alors, les savants l'ont fait rentrer dans quoi? Dans la aqida. Pour dire que celui qui dit pas qu'il y a des suivants des chaussons, celui-là, yani, il rentre dans la bid'a, ou l'ayadou billah. Sauf si c'est vraiment quelqu'un qui a vécu loin des savants, ou bien quelqu'un qui vient juste de se reconvertir, ou bien quelqu'un qui ne comprend pas bien les délits, ou bien. Mais si c'est quelqu'un qui a rempli les conditions, il ne veut pas reconnaître, cette chose, il rentre dans la bid'a, ou l'ayadou billah. Il puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de la bid'a. Pour la deuxième question, il a dit, puisque si on va dire que Allah Ta'ala nous a interdit la désunion dans le dîn, et il nous a ordonné à converger dans le dîn, alors ça doit induire que on va tous se côtoyer. Nous, les Habash, les Ikhwan, les Tablir, les Tekfir, les Khawarij, les Rawafid, les Murtazila, les Qadiri, les Chiites, on va tous devenir des frères et on va citer le verset qu'Allah Ta'ala a interdit la désunion dans le dîn et on est tous, alhamdoulilah, on est tous musulmans, on est tous croyants. Comme ça, on va dire une personne. On va lui dire, Harry, tu te trompes beaucoup. Quand tu dis ça, tu te trompes beaucoup. C'est pour ça que, il y a de nos jours, jusqu'à de nos jours, il y a des personnes qui n'ont pas de science, malheureusement, quand tu leur dis, par exemple, attention, il faut te mettre en garde contre telle personne, ou alors il faut mettre en garde contre telle personne-là, il y en a qui s'énervent. Ils commencent, un musulman, tu fais en garde contre lui. Et encore, celui-là, c'est un prêcheur. Parle, il dit, Allah a dit, son prophète a dit. Et toi, tu mets en garde contre lui. C'est un peu si on va dire, on va mettre en garde contre Tariq Ramadan. Il y a des gens qui vont dire, comment Tariq Ramadan, je mets en garde contre lui. Subhanallah. Il ne parle que de versets de hadith. Comment ça, moi, je mets en garde contre un juif. Je ne mets pas en garde contre un musulman, un prêcheur qui de pays, part de pays en pays pour propager l'islam. Subhanallah. Donc, je dis, ce qu'il faudrait connaître, c'est que on doit être musulman de l'islam qu'a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ce n'est pas l'islam que nous on s'est inventé. Après, qu'est-ce qu'il y a ici en Whisper, il y a une question qui va dans le même sens. Certains frères utilisent cet argument pour prétendre que les mises en garde sur les prêcheurs inconnus, sur les prêcheurs connus, mais ayant des erreurs dans l'inès, est une subdivise. Donc je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous a demandé d'être musulmans, mais le vrai islam. Pourquoi ? Car il y a le faux. Le faux, c'est celui des sectes déviés et déviantes. Et le vrai, c'est l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et des enfants des compagnons, et ensuite des enfants des compagnons. Ce sont ces trois seulement, qui ont une tête qu'il a, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils étaient sur le vrai. Il a dit, « Khayrun nas qarni », les meilleurs gens, ce sont ceux de mon siècle, et ceux qui les suivront, et ceux qui les suivront. Donc, si ce sont les meilleurs gens, d'après le hadith authentique du prophète, en somme, ce sont les meilleurs gens. Donc, ce sont les meilleurs gens, c'est pas dans leur corps, parce qu'ils sont beaux, bien grands de taille, ou bien qu'ils ont les biceps. Non, ce sont les meilleurs gens dans la religion. Donc, toute personne qui suit ces meilleurs gens est une personne dans le vrai chemin, dans la sunna. Et toute personne, en contrepartie, qui ne suit pas ces gens-là, les meilleurs gens, surtout dans la aqida, donc ce sont des gens qui sont dans le faux, et ce sont des sectes déviants ou l'ayyadu billah. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. » Il a dit, s'ils vont croire, croire ce que, « فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا d'exactement de ce que vous avez cru. Il a dit, dans ce cas, qu'ils sont dans la guidée. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, il a dit dans le Coran, attendez une seconde, « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيْتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْكَ نُوَلِّهِمْ مَتَوْلَا وَسِهِ جَهَنَّمُ وَسِأَتْكَيَا. » Il a dit, et quiconque fait dissidence avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir vu la clairvoyance et le juste, il a dit, et ne suis pas le chemin des croyants. Le chemin des croyants, c'est le chemin des sahabas. Non. Toute personne qui ne suit pas le chemin des sahabas dans le din, c'est une personne qui est loin de l'islam. Donc, vous voyez maintenant, si on va dire que l'islam, ça suffit de dire, shadoun la ilaha illallah, shadoun Muhammad rasoulallah. On va dire, il y a des millions de gens qui disent ça, qui sont dans le faux, les rafidites. Les rafidites, ils ne disent pas « Shadoun la ilaha illallah, Shadoun Muhammad Rasulullah ». Les rafidites, les chiites, ils ne disent pas ça, ils disent. Mais s'ils sont dans le vrai, ils sont dans le faux. Ils font kafar les sahaba, ils disent que notre Aïcha fait la zina, ils disent des choses atroces dans le din, dans la aqida. Et pourtant, ils disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Donc, ça ne suffit pas de dire « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Mais il faut dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui suivent le chemin du prophète Hassan et de ses sahabas. ses compagnons. Quiconque décide de suivre seulement la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et ensuite d'être libre de choisir l'islam comme il veut lui, il va se fabriquer un islam, celui-là, l'âme, Allah Ta'ala ne t'a pas ordonné de le côtoyer, ni de faire de lui un frère. Celui-là, c'est ton ennemi dans le minhaj, c'est ton ennemi dans la aqidah. Celui-là, c'est un déviant, tu dois lui faire la da'wa si tu peux. Tu ne peux pas lui faire la da'wa, tu t'éloignes de lui et tu mets en garde contre lui. Tu lui dis attention, celui-là, il ne suit pas le chemin du prophète Aslam et des sahaba, ni des tabi'in. Celui-là, il suit des sectes. Il suit Tabligh, il suit Ikhwan, il suit Khawarij, il suit, et comme ça. Ensuite, il a dit ici pour la troisième question, si une personne est convaincue de deux avis, et elle ne sait pas exactement lequel choisir, si les deux avis sont deux avis de grands savants, qu'on est dans la religion, hein, Cheikh l'Islam dans ce Majmou' al-Fatawa, rahimallah, a dit, alors il était permis de choisir entre les deux, de l'avis de celui qui te prend pas, dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il a dit, tu choisis d'après les deux lequel se paraît qu'il est le plus pieux des deux. Ça, c'est l'avis de Cheikh l'Islam, rahimallah. Il y a un avis de Cheikh al-Albani, de Cheikh Belbez, aussi, rahimallah, qui disent que, ils disent quand il y a deux avis de deux savants qui sont contradictoires dans une même chose. Il a dit, on va voir entre ces deux savants, c'est qui, yani, qui a plus de spécialité dans le domaine où il y a la recherche. Par exemple, Cheikh Ibn Baz a dit une chose, rahimahullah, et Cheikh Al-Albani a dit le contraire. Et, maintenant je vais choisir qui, Cheikh Ibn Baz ou Cheikh Al-Albani. Les deux sont savants. Et la chose dans laquelle ils ont divergé, c'est un hadith. Cheikh Al-Albani a dit le hadith, il est faible. Non. Cheikh Ibn Baz, il a dit, le hadith est authentique. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui est le spécialiste en hadith? Le Cheikh Ibn Baz ou le Cheikh Al-Albani? Le Cheikh Al-Albani, tout le monde reconnaît. Même ses ennemis reconnaissent ça de lui. Ici donc, je prends l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Ça, c'est un exemple de Ibn Allah Ta'ala. Donc, pour la quatrième question, est-ce que Talib ul-Ilm, l'âme, est-ce que Talib ul-Ilm, qui suit le savant, est-ce que s'il se trompe, il a un effort, et s'il lui aussi, il dit juste qu'il a deux récompenses. Est-ce qu'il se trompe, il a une récompense, et s'il dit juste qu'il a deux récompenses. On dit, cette chose, Allah subhanahu wa ta'ala alam, ne s'applique qu'au juge. Au juge et au gouverneur, hein, qui va faire quoi, qui va faire des efforts. Ça ne s'applique pas à un talib ul-ilm, même si on est sûr bi-idhnillahi ta'ala qu'Allah ta'ala donne au talib ul-ilm, il lui donne des récompenses aussi, hein, quand il fait des efforts pour poursuivre les savants, même si s'il se trompe. Mais pour dire qu'il a un effort, hein, s'il se trompe, et deux, s'il fait juste, il n'y a pas un hadith qui dit ça. Le hadith est clair pour les juges bi-idhnillahi ta'ala. Assalamu alaykoum, cher Khadid, m'envoyer les questions qui sont en rapport avec le cours. Donc si vous avez bien entendu, il faut m'envoyer les questions qui sont en rapport avec le cours d'aujourd'hui. Et ça, c'est inutile d'envoyer d'autres questions puisque je ne vais pas les poser. Vous faites que remplir mon écran. Et donc vous venez pour écouter Cheikh Chalabi, Hafidrahoumoua, et quand il vous dit une chose, vous ne l'écoutez pas. C'est ça que je ne comprends pas. Donc Barakallah, fait compte de respecter l'organisation qu'on essaye de mettre en place. Si vous avez des nasihad, des conseils pour qu'on améliore cette organisation, Barakallah, mais tant qu'on marche sur cette organisation, merci de respecter ce qu'on fait. Donc la première question. En fait, ce que je vous avais envoyé en whisper, Cheikh, que vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a... C'était une question, en fait. Il y a certaines personnes qui utilisent le deuxième fondement, à savoir l'ordre de s'unir va se diviser. Et ils disent que tous les ulamas, comme Cheikh Rabé ou autres, qui parfois font des mises en garde contre des gens de l'innovation, ou même des gens qui sont dans le minage avec des erreurs ou autres, tout ça, c'est des causes de division. Donc, le jar ou le théâtre, tout ça, c'est une source de division. Répondre à ça. Et ils disent même que pour qu'il y ait ijma, il faut qu'il y ait ijma sur une personne pour qu'on fasse un djah sur lui. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Deuxième question. Il y a une sœur, en fait, qui voudrait plus de précision, à savoir que répondre à ceux qui utilisent le verset dans Surat Al-Imran, accrochez-vous au câble d'Allah, pour dire qu'on peut se mêler aux gens de la bid'ah. Vous en avez parlé, mais je voudrais encore que vous approfondissiez un peu plus. Donc, c'est-à-dire que si on met en garde contre Al-Bid'ah ou autre, on dit que c'est nous qui sommes la cause de la division. Troisième question. Je n'ai pas compris un élément concernant l'interdiction de la désunion. Comment doit-on se comporter avec les musulmans qui ne prennent pas au sérieux certains éléments de la religion et qui ne l'appliquent pas, voire nous méprisent ou se moquent de nous, par exemple, le fait d'agir sans preuve et de les suivre dans leur ignorance. C'est-à-dire que sur la barbe, sur le niqab ou autre, ils se moquent. Et ils disent que tout ça, c'est des causes de désunion, d'après ce que j'ai compris de la question. Donc, Shirk, est-ce qu'on doit répondre à ces gens-là? Qui disent que le fait de faire la sunna, de trop faire djilbab, fi bilad le kufr, tout ça, c'est des causes de division. Et là, tu as encore? Voilà. Vous avez parlé du fait de réconcilier les gens et de ne pas se diviser. Lorsque dans la famille, on est victime de l'injustice de membres de la famille. Et sans... Comment faire pour visiter cette personne du fait du mal qu'elle nous fait et du fait qu'elle touche à la sorcellerie et qu'on craint d'être touché par ça quand on a été mis en garde contre cette personne. Donc comment se comporter avec eux sachant que c'est de la famille très proche et qu'au jour d'aujourd'hui, la famille est disloquée. Et malgré le fait d'être revenu vers eux, malgré cela, ils continuent. De comment agir avec ce genre de personnes qui font partie de l'Aqarib. Il reste encore deux ou trois questions, je vous les poserai après, Inch'Allah. Akhoun Lou Samah, est-ce que tu m'entends? Nul Jazairi, tu m'entends? Je n'ai pas compris la quatrième question, Abita, la dernière. Celle qui parle de. Qu'est-ce qu'elle a dit que la sorcellerie, etc. Qu'est-ce que ça a à voir avec le cours et la désunion? Est-ce que vous m'entendez? Il dit que c'est en rapport avec ce que quand vous avez dit il faut unir les gens. Donc il ne faut pas se diviser, il faut essayer de réconcilier les gens. Et ils disent est-ce qu'on doit se réconcilier avec des membres de la famille qui font sihr ou qui font du mal, quoi, qui nous font du mal. Est-ce qu'on doit quand même essayer de se réconcilier avec eux? C'est-à-dire sorte de désunion pour la famille. En fait, moi, quand je parlais de qu'il fallait s'unir, etc., je parle de yani, entre musulmans, frères et sœurs qui appliquent et qui malgré cela, yani, pour de petites choses, elles se désunissent et rompent les liens. Mais maintenant, si il y a quelqu'un qui me fait du mal, il me fait de la sorcellerie, etc., et là, je ne suis pas obligé d'être tout le temps avec lui pour m'unifier avec lui. Non, celui-là, je lui montre que si c'est Allah ne l'aime pas et qu'il m'a fait du mal, ensuite je vois si je lui pardonne, je ne lui pardonne pas. Ensuite, si je suis supplié de la sorcellerie, ça m'est permis dans l'islam de l'éviter. De l'éviter au maximum sans rompre les liens. Si c'est un. Il y a une temps où là, je lui téléphone de temps en temps, je vais pendant l'Aïd et comme ça, mais je suis pas obligé d'être tout le temps à elle, ni d'être tout le temps avec elle. Là. Ensuite, pour la première question, qui ressemble beaucoup à la deuxième aussi. La deuxième, qui dit aussi que Allah Ta'ala dit qu'il faut s'accrocher au câble d'Allah, subhanahu wa ta'ala, etc. Et donc, comment s'accrocher et en même temps, parce que de mettre en garde alors que Allah Ta'ala nous demande de s'accrocher. C'est aussi la première qui dit que... Ça y est, allez, je parle de celle-là. Allah Subhanahu wa Ta'ala qui nous a demandé de nous accrocher à son câble, hein, c'est lui-même qui quoi? Qui nous interdit, par le biais de son prophète, de quoi? De côtoyer les gens du mal et les gens de la bida. Les gens du mal et les gens de la bida. Ensuite, si par exemple vous êtes dans le quartier, là, vous voyez quelqu'un par exemple dans un immeuble, par exemple là où vous habitez, dans votre immeuble, où vous habitez, là, vous remarquez qu'il y a quelqu'un qui vient rentrer, qui est derrière la porte avec un couteau, qui attend les locataires qui viennent, là, pour qu'ils les frappent avec un couteau et leur prennent leur argent, hein, etc. Et toi, donc toi, tu viens de voir que ils ont un faux. Même quelqu'un qui n'est pas faux. Une personne, dans un voyou, avec un couteau dans sa main, qui est rentré dans ton immeuble, il est derrière la porte, et chaque locataire qui va rentrer, il va sauter sur lui, et le poignarder, lui prendre son argent. Que ce soit un homme ou une femme. Et maintenant, tu te retournes voir, tu es en face d'immeuble. Tu te retournes, tu vois ta voisine qui va arriver pour rentrer dans l'immeuble. Ou alors ton père, ta mère, ton voisin. Est-ce que, en islam, si tu le laisses rentrer, alors tu sais qu'il y a quelqu'un derrière la porte caché qui va le poignarder, et tu vas le laisser rentrer, qu'est-ce que tu auras comme châtiment en islam? En islam, si tu le laisses rentrer, si jamais il meurt, tu vas partager le meurtre avec celui qui l'a tué. Si jamais il lui ouvre le visage, tu vas gagner, partager avec lui le grand péché qu'il a fait. Pourquoi? Tout cela côte à côte. Tu pouvais sauver la personne, tu l'as laissé sans la sauver. Au point où l'islam, c'est permis, si c'est pendant le ramadan, tu rends le ramadan. Tu le rends pour sauver quelqu'un, par exemple, qui s'est noyé. Tu le rends, même si tu dois manger quelque chose, si tu es faible, tu manges quelque chose pour sauter dans l'eau pour aller te faire sortir. Et après, tu refais le jour, et certains disent que tu refais même pas le jour. Maintenant, si c'est en islam, tu n'as pas le droit de laisser quelqu'un, poignarder quelqu'un, ou de le voler alors que tu es en train de voir. Qu'en est-il maintenant? Tu vois quelqu'un, subhanallah al-azim, pousser des gens, exhorter des gens à rentrer en enfer. Comme a dit le prophète al-Islam, Rijalun ala abwabi jahannam. Il a dit des gens, des hommes, sur les portes de jahannam, qui poussent les gens et les exhortent à rentrer en jahannam. Quand tu vois des prêcheurs, tu es sûr que celui-là il dit faux. Il est en train de leur apprendre la bida, il est en train de combattre la sunnah. Il est en train de combattre, il met en garde contre les grands savants. Et celui-là, tu dis non, c'est pas possible, je ne peux pas mettre en garde contre lui, j'ai peur de la division. Quand il dit déjà une chose pareille, tu as des péchés. Pour avoir dit déjà comme ça, ne pas avoir pris la défense de l'islam, contre yani, ceux-là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que déjà, tu es loin et tu n'as encore rien contre l'islam. La preuve, pour quelqu'un qui va juste frapper quelqu'un, ou alors le tuer, là, tu vas faire yani, tes efforts pour le sauver. Mais, là, il va mourir seulement. Qu'en est-il? Cette personne, yani, elle fait des choses pour faire entrer des gens en enfer, c'est-à-dire les faire mourir et les laisser peut-être éternellement en enfer. Et tu dis non, ça c'est pas grave, il peut dire ce qu'il veut, c'est pas interdit, moi c'est un musulman, donc c'est mon frère et comme ça. Si tu dis des choses comme ça, vraiment, yani, tu n'as rien contre l'islam. Et dans une autre chose, une seconde, je ramène un fichier de là, je le tire un fichier très important. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala seulement qu'il m'aide pour le trouver, inshallah ta'ala. Je vais essayer pour le trouver un fichier là-bas. Et si je vois en arabe, c'est une chose très important. Une seconde chose, il me fait meilleur. Oui, c'est pour que un fichier très important. Mais je vais voir dans les fichiers. Oui, aussi il y a un fichier. Voilà. Est-ce que vous m'entendez, Mousseline, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Écoutez ce que dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ce que dit Ibn Taymiyyah rahimahullah pour les gens qui croient, qui ne mettent pas en garde contre les gens de la bida. Tu vois quelqu'un tromper les gens, induire les gens en erreur, et tu le laisses, tu dis celui-là, je ne sais pas, c'est un musulman, je ne peux pas, c'est mon frère, etc. Écoute ce qu'il dit, hein. Ibn Taymiyyah, dans le Majmou' al-Fatawa, tome numéro 2, page 132. Tome numéro 2, page 132. Et écoutez ce qu'il dit. Écoutez, je vais dire juste quelques phrases. Ibn Taymiyyah dit, doit être puni, doit être puni. Je vais faire de sorte que je puisse lire en même temps, puisque je page. Ça y est. Doit être puni quiconque fatigue aux gens de la bida, ou bien les défend, leur fait des compliments, leur donne de l'importance à leur livre, les aide, les assiste. C'est-à-dire, tout le monde doit être puni, il doit être puni. Toute personne qui s'affilie à eux, qui les défend, qui leur fait des compliments, qui donne de l'importance à leur livre, il lit leur livre, il dit, Mashallah, ce livre, il est Mashallah, qui les aide, les assiste. Écoute, hein, qui déteste qu'on les critique. Ils détestent qu'on les critique. Ils disent, écoute, faut pas critiquer celui-là. Tariq Ramadan, c'est un prêcheur, c'est machin, faut pas critiquer. Il dit, celui-là doit être puni. Qui déteste qu'on les critique. Ou, qui leur trouve des excuses en disant, je n'ai pas bien compris le sens de leurs propos. Ou bien qui dit, qui affirme que c'est lui qui a écrit ce livre? Ça, c'est pas lui qui l'a écrit. Il a dit, ou d'autres excuses semblables à celle-ci. Excuses qui ne sont dites que par les ignorants ou par les hypocrites. Bien plus, doit être puni quiconque connaît leur état et n'aide pas à les combattre. Car se soulever contre eux est l'une des plus grandes obligations. Car ils pervertissent la raison et la religion de certaines personnes telles que les chefs, les savants, les chefs d'État et les gouverneurs et s'empressent de semer la corruption sur la terre et détournent du chemin d'Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il a dit, quiconque dit que, yani, on ne doit pas mettre en garde contre eux, ou là, yani, il faut les excuser, ou là, ceux-ci, ils ont quelque chose de bien, mais ceux-ci, mais ceux-là, doit être puni. Yu'aqab sharia. Yu'aqab. Là, celui-là, yani, il n'a pas de jalousie pour le dîme. Tu n'as pas de jalousie pour la religion. Tu vois des gens comme ça. Yani, eux-mêmes, regardez, eux-mêmes, hein, les Moubtadiyas, eux-mêmes, ils mettent en garde contre de grands savants. Les Moubtadiyas, il ne faut pas écouter Cheikh Ibn Taymiyyah. Cheikh Ibn Taymiyyah n'est pas un savant. Et quand il dit ça, tu n'as pas de jalousie. Hein, tu trouves ce qu'il dit, c'est normal. Mais quand nous, on met des mises en garde contre lui, tu as la jalousie. Tu dis, ah non, faut pas dire comme ça pour lui. Hein. Ah non, c'est un musulman. Quand il a parlé sur les grands savants, Cheikh Ibn Taymiyyah, les héritiers des messagers, tu dis rien. C'est-à-dire, tu ne branches pas. Mais quand des gens, voilà, mettent en garde contre lui, les savants vont mettre en garde contre lui, tu sors de tes gants. Et bon, il y a des mains. Pour revenir à la première question, le Cheikh, la question ici dit, est-ce que pour mettre en garde contre quelqu'un, il faut qu'il y ait un consensus ou pas? Un consensus ou pas? Avant cela, je dis. Pour les gens qui disent que ces gens-là, ce sont les gens qui disent la Allah, Muhammad, Rasulullah, qui font la prière, etc. Comment je garde contre eux? Je leur dis, hein, je répète, pour les gens qui disent, moi je ne peux pas mettre en garde contre ces gens-là, car ce sont nos frères. Ils disent la Allah, Muhammad, Rasulullah, ils font la prière, ils vont le hajj, et ils font la salat. Je leur dis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité dans un hadith qui se trouve dans le Bukhari, en parlant de certains gens, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, il y a certains gens, si vous les voyez faire la prière, vous allez mépriser votre prière devant eux. Seulement ils font la prière. Si vous allez voir leur siyam, vous allez mépriser votre jeûne devant eux. Seulement ils jeûnent. Ils n'arrêtent pas de lire le Coran. Ensuite, il a dit que le Coran qu'ils lisaient ne dépassait pas leur gosier, bien sûr. Il a dit, ces gens-là, si je les rencontre, je les combattrai. Ensuite, il dit, combattez-le. Celui qui les tue, il aura des récompenses. Et ceux qui, eux, le tuent, il mourra martyr. Il a dit, ce sont les Khawarij. Les Khawarij. Alors, dites-moi, Barclaw Fekom, les Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont? Les Khawarij, ils font plus de prières que toi, toi le Salafi, ils font plus de prières que toi. Ils jeûnent plus que toi. Ils lisent le Coran matin et soir, jour et nuit, n'arrêtent pas de lire le Coran. Et ceux-là, il te dit, si tu les trouves, il faut les combattre. Et si tu les combats, tu as des récompenses. Et s'ils te tuent, tu meurs martyr. Subhanallah al-Azim. Et Abdullah ibn Himar, un compagnon, qu'est-ce qu'il faisait? Il buvait de l'alcool. À chaque fois, on ramenait au prophète al-Sotlam, sous. Hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Une fois, Khad ibn Walid l'a maudit. Elle dit, c'est qui ce maudit-là? À chaque fois, il vient sous. Et on tape. Le prophète, qu'a-t-il dit? Ne le maudis pas. Il aime Allah et son prophète. Il se trouve dans Bukhari, celui-là. Quelqu'un de sous, le prophète a dit, alayhi sallam, il aime Allah et son père. Et les autres qui passent la nuit à prier, à jeûner, à dire le con, il a dit, il faut les combattre, il les tuer. Pourquoi? Celui-là, Abdullah ibn Himar, qui se souvient, il aimait Allah et le prophète. Quelle est la preuve? À chaque fois, il venait, il disait, il allait purifier moi, j'ai fait une faute. Alors qu'il pouvait se cacher, et le lendemain, personne n'aurait su qu'il avait bu la veille. Mais il vient, il dit, purifiez-moi. Ensuite, sa faute qui vient de faire l'alcool, ça vient du côté des tentations, la chéroua. C'est pas grave. Comparé aux autres, aux khawarij, leur problème c'est quoi? Ça vient du côté des ambiguïtés. Ça vient pas du côté des tentations. Du côté des ambiguïtés. Les tentations c'est simple. Quelqu'un qui boit de l'alcool, tu lui fais un rappel, il commence à pleurer, il te dit comment je fais pour commencer la prière, tu lui dis va prendre la douche et viens faire la prière. C'est un musulman, c'est un qui a fait, il fait le tachérod et doucement il commence la prière, la douche et la prière. C'est facile pour quelqu'un qui a un problème dans les tentations. Mais celui qui a le problème dans les ambiguïtés, dans la aqida, dans le minhaj, c'est celui-là qui est difficile. Donc celui-là, il voit la foule, il dit, il aime Allah et son prophète, alayhi sallam. Et ceux-là, ils passent la nuit à prier, et à jeûner. Et à quoi? Et à jeûner, à dire le Coran. Il dit, alayhi sallam, il dit quoi? Il dit, si je les rencontre, je vais les combattre. Combattez-les. Si vous les tuez, ils vont aller en enfer. Si vous tuez, vous êtes des martyrs. Donc je dis à celui qui a dit, pour mettre en garde contre quelqu'un, est-ce qu'il faut un consensus? Je dis non. Il ne faut pas un consensus. Il ne faut pas un consensus. Si celui qui a fait une mise en garde contre cette personne-là est un grand savant, ça suffit. Non, si c'est un grand savant qui fait une mise en garde contre une personne, ça suffit. C'est pas la peine qu'il y ait une mise en garde, qu'il y ait un consensus. Et enfin, pour la dernière question, je crois ici, qui dit que certains gens, ils nous méprisent et se moquent de nous à cause de la barbe, ils se moquent de nous peut-être aussi à cause du jilbab, ils se moquent de nous, je ne sais pas à cause de quoi, non. Ils disent maintenant, comment on doit faire avec eux, bi'idhnillahi ta'ala. Moi je dis à ces personnes, inshallah ta'ala, je dis en général, non. Je dis en général, une seconde. Voyez. Donc je dis, tout croyant et tout croyante, doit savoir, et ça doit être dans sa aqida, que les gens ne cesseront de se moquer de toi, de te mépriser, enfin je veux dire tes ennemis, ne cesseront de se moquer de toi, de te mépriser, de rire de toi, jusqu'à la fin du monde. Non. Comment? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature, on se moquait de lui, on le méprisait, on jetait de lui de la souillure sur lui quand il se prosternait. On disait de lui un sorcier, on disait un possédé, on disait un démon, on disait un shaitan. On a tout de lui, on a tout dit sur lui. Est-ce que nous, c'est-à-dire on est mieux que lui? C'est pas possible. Et voilà qu'Allah cite dans le Coran, lorsqu'il a dit « Inna alladhina ajramu, kanu min alladhina amanu yadhakun » Il a dit que les criminels, Qu'est-ce qu'il faisait des croyants? Il a dit, il riait d'eux. Ou il a marre au béni à terre Amazon. Et si jamais ils passent devant eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des clignotants, des clins d'œil. C'est comme par exemple, une femme va passer maintenant en jilbab devant un groupe de mécréants. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont faire des clins d'œil. Ils vont dire, regarde la chauve-souris, regarde ceci, regarde cela. Non, il a dit, ou il a marre au béni à terre Amazon. Il a dit, وَإِذَا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ inqalabu fakihin. Et ces gens-là, qui méprisaient, qui se moquaient, qui riaient, il a dit, si jamais ils vont dans leur famille, ils vont, en étant plein d'orgueil, en se croyant dans le vrai chemin, en croyant que tout le monde est égaré, sauf eux. Il a dit, wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladh-dhallun. Et s'ils voient les gens convertis, les gens qui sont dans la sunnah, il dit ce sont des gens égarés. Non, il dit ce sont des gens égarés. Wama aussi l'alim hafidin. Et ceux-là, ils ne suivent que leur façon. Personne n'a été envoyé vers eux pour les guider. Regardez ce qu'a dit Allah Ta'ala, c'est le plus important de ce que je voulais dire et le plus important de la fin des versets. Il a dit, aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Tout le monde est mort, on est là. Vous êtes là entre mes mains. فَالْيَوْمَ aujourd'hui, الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Aujourd'hui, les croyants sont en train de rire, n'am, sur les kuffars, n'am. Donc c'est l'inverse aujourd'hui. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. N'am. Donc ça c'est, n'am, exactement ce qu'ils ont fait dans la rue, ou là, autrefois, c'est maintenant les croyants qui le font. Il a dit, aujourd'hui, ce sont les croyants qui rient d'eux, على الآراء كي ينظرون. نعم يعني أدرسي sur des fauteuils, نعم, en train de rire sur les kuffars. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Est-ce que les kuffars, يعني quand ils ont fait cela, يعني est-ce que ça leur a été utile. Ça leur a pas été utile. Ils vont être jetés maintenant dans Jahannam ou l'Iyadu Billah. Donc je dis à toute personne qui a décidé, نعم, d'être sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, je lui dis quoi? Je lui dis que il faut que tu patientes. Les gens doivent rire de toi. Tu dois être éprouvé. Alif lam mim. Ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Naam. Allah Ta'ala dit alif lam mim. Est-ce que les gens, ou bien les croyants, croient que on va les laisser comme ça? Naam. Sans leur donner des épreuves. Voilà, qu'a fait-il Allah dit la même chose. Alors qu'on a éprouvé ceux qui les ont précédés. C'est pour savoir quels sont ceux qui sont sincères et ceux qui mentent. Pourquoi? Parce que ceux qui mentent, qui ne sont pas sincères, juste une petite épreuve, ils te disent, oh, moi j'arrête. Oh, c'est difficile. Oh, on a ri de moi, j'arrête. Parce qu'il va dire, oh, il y a la police qui m'a convoqué, donc j'arrête. Donc il va dire, oh, je suis passé devant des gens, il y a quelqu'un qui m'a giflé. Alors à cause de cette gifle, moi j'arrête la prière, j'enlève le djibbel. Et je deviens apostat si j'ai reconverti. Parce qu'on vient de me frapper et j'ai reçu une gifle. Ce sont des épreuves. Le prophète, alayhi salatu wasalam, n'a-t-il pas dit que la marchandise d'Allah est chère? La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Comme ça il a dit. Il a dit, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? N'est-ce pas que sa marchandise c'est le paradis? Toi tu veux rentrer le paradis en marchant sur un tapis plein de fleurs et de parfums et de mashallah. Non, c'est pas comme ça. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنْ مُجْرِمٍ. Et ainsi il a dit, et ainsi on a fait à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Donc chaque prophète a eu un ennemi parmi les criminels, pas parmi les gens simples. Parmi les criminels. Et toi, tu es celui qui suit les prophètes et les messagers. Donc tu dois avoir tes ennemis, tu dois avoir des criminels qui ne sont pas contents de toi, qui voudraient faire tout leur possible pour que tu suives leur chemin, eux, pas le chemin que tu suis maintenant. Et là, tu es en train d'éprouver. Tu patientes ou tu lâches? Combien tu peux patienter? 1 an, 10 ans, et tu lâches ou bien tu patientes jusqu'à rencontrer, jusqu'à mourir. Quitte à devenir pauvre, quitte à être en prison, quitte à tomber malade, quitte à être licencié du travail, quitte à être expulsé par mes parents, quitte à passer 20 ans en prison. Non, maintenant ça va être cool. On va voir si tu peux arriver au paradis ou là tu peux pas. Puisque nous préserver, et raffermir nos cœurs, sur le droit chemin jusqu'à le rencontrer. Très bonne chose pour les autres questions. Donc la question suivante, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons un imam en France qui fait des faux témoignages. Il accuse des musulmans de terroristes chez les autorités françaises alors qu'ils ne le sont pas. Cet imam porte plainte contre les musulmans chez les autorités françaises sur des choses non fondées. De plus, il met en garde contre certains livres alors que ce sont des livres écrits par des savants de la Sunna. Ensuite, il y a environ 2 ans, les fidèles ont demandé son départ, c'est-à-dire de ne plus être l'imam de la mosquée. Mais l'imam a refusé. À cause de cela, les fidèles se sont divisés en 2 groupes. Ceux qui veulent le départ de l'imam et ceux qui le soutiennent. Le groupe de l'imam priait en premier, puis quand il terminait la prière, l'autre groupe de fidèles se mettait à prier. Donc il y avait 2 groupes qui priaient dans cette mosquée. À la suite de cela, un jour, un membre de l'imam s'est mis à tirer avec un revolver dans la mosquée pendant que le groupe de fidèles, entre parenthèses, ceux qui sont contre l'imam, s'est mis à prier. Et après cela, l'imam a fermé la mosquée pendant une durée de 2 mois. Depuis cet événement, je ne prie plus derrière cet imam. Je voudrais connaître le jugement de la prière derrière cet imam. M'est-il autorisé de prier derrière cet imam? Et j'aimerais connaître le jugement concernant cet imam et sa prière. Et aussi, est-ce que celui qui donne un avis doit toujours montrer la divergence ou il peut donner qu'un seul des 2 avis? Question suivante, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous. Puisse Allah vous accorder les bienfaits de ce monde et de l'au-delà. À tous. Cher, le docteur de mes enfants est un homme et chaque fois que j'emmène mes enfants, ils discutent des musulmans et de l'islam et me posent des questions. Je suis une sœur et je lui réponds en ayant l'intention de la da'wah. J'aimerais savoir si d'une part j'ai le droit et si d'autre part est-ce que je peux lui donner un livre qui explique l'islam en résumé, en espérant qu'Allah le guide. Je suis marié, cher, mais mon mari ne veut jamais prendre les enfants chez le docteur. D'autre part, j'aimerais savoir si je peux mettre des prospectus sur ce qu'est l'islam dans les boîtes aux lettres de mes voisins sans qu'ils sachent que c'est moi. J'ai voulu le faire, mais j'avais peur qu'ils les jettent à la poubelle, sachant qu'il y a le nom d'Allah dessus. Qu'en pensez-vous? Hafizakum Allah yachir. Question suivante. Salam alaikum cher. Hafizakum Allah. Pouvez-vous nous rappeler comment faire salat al-witr avec 3 ou 5 rak'at? Faut-il faire des tashahoud après? Bon, cette question a déjà été posée. Faut-il faire des tashahoud après toutes les 2 rak'at? Quel moment faire le qunut? Et qu'il se fait toujours dans la dernière, est-ce qu'il se fait toujours dans la dernière rak'at? Quelle que soit la salat. Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Nous n'avons pas pu faire la aqiqa de mon fils par manque d'argent. Aujourd'hui, il est âgé de 3 ans. Est-ce possible de le faire? Et si oui, m'est-il possible d'envoyer cette somme d'argent à l'étranger pour qu'un frère égorge un mouton là-bas? Comme ici, le prix du mouton est trop élevé pour moi. Barakallahu fikoum wa hayyakumullah. Question suivante, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Comment doit faire une personne qui a des absences totales dans sa prière à cause des soucis? Elle a un grand blanc et ne sait plus où elle en est. Elle ne pense pas forcément à quelque chose, mais c'est comme une grande fatigue, épuisée moralement. Que doit-elle faire? Car elle ne sait plus ce qu'elle fait et elle doute si sa prière est valable à cause de sa fatigue et absence. Parfois, elle refait la prière car elle ne sait plus du tout où elle en est. Barakallahu fikoum. Tafadhal cheikh. Après, j'ai pas bien compris la 5e. Si c'est possible, la recommande. Je la répète, cher. Salam alaikum, cher. Comment doit faire une personne qui a des absences totales dans sa prière? À cause de ses soucis, elle a un grand blanc et ne sait plus où elle en est. Elle ne pense pas forcément à quelque chose, mais c'est comme une grande fatigue, épuisée moralement. Que doit-elle faire? Car elle ne sait plus ce qu'elle fait et elle doute si sa prière est valable à cause de sa fatigue et absence. Parfois, elle refait la prière car elle ne sait plus du tout où elle en est. Barakallahu fikum. Tfadal cheikh. Alhamdulillah. Donc pour l'imam, l'imam dont vous avez parlé, et qui accuse les gens de terroristes, et qui ramène la police, etc. Non. Des sortes d'imams pareils, il y en a un peu partout. Peut-être dans tous les pays du monde, il y en a. Mais surtout en France. Non. Parce que ce sont des gens qui sont vraiment loin du minhaj, même loin de l'islam. Ils sont venus là-bas, ils cherchent la nationalité française, ils cherchent la résidence, tant que maintenant il a ces deux choses-là, ça lui plaît la vie là-bas, hein, il y a l'argent, il y a tout ce qu'il veut. Donc maintenant l'islam c'est juste, l'idée des gens c'est juste une fonction, un travail. Donc ils sont le plus important c'est quoi? C'est de faire rentrer de l'argent, d'amasser de l'argent, hein, et ce n'est pas de montrer aux gens de dîn, ni de, encore moins de leur apprendre la sunna. Ensuite, cet imam n'apprend pas le dîn ni la sunna aux gens parce que lui-même, il ne la connaît pas. Lui-même, d'ailleurs, je dis, si cet imam avait un peu de science, il connaissait un peu la sunna, jamais il ne se serait, jamais il n'aurait divergé avec les gens qui viennent à la mosquée. Au contraire, il l'aurait aimé, ils auraient aimé apprendre de lui, ils auraient aimé apprendre chez lui, ils auraient aimé faire de lui leur professeur. Mais comme celui-là, il n'a rien, donc maintenant, il ne lui reste plus que à diverger, rentrer en guerre avec ceux qui viennent prier derrière lui. Un moyen. Il a dit ici, il a dit ici, qu'est-ce qu'on fait? Non. Donc vous voyez maintenant, c'est arrivé au point où quelqu'un a sorti son revolver et a tiré. Il aurait pu blesser quelqu'un, il aurait pu tuer quelqu'un, il aurait pu tuer un prieur, Allah l'adim, un musulman, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez l'ignorance que c'est, et regardez le djinn et ta'asub, ce qu'ils font. Un imam pareil, il vaut mieux éviter de faire la prière derrière lui. Non, il vaut mieux éviter de faire la prière derrière lui. S'il y a un endroit, un autre endroit où faire la prière en groupe. Non, s'il n'y a pas, et si c'est lui seul, c'est tout ce qu'il y a dans le quartier, pour ne pas faire la prière seul dans la maison, je peux faire la prière derrière lui, tant qu'il n'est pas sorti de l'islam, je peux faire la prière derrière lui, à condition de ne pas me mêler à lui, ni à ses affaires. C'est-à-dire, juste je dis salam alaikum, je vais chez moi, juste pour ne pas faire la prière tout seul. Car la personne qui va s'éloigner de la mosquée pour faire la prière chez elle toute seule, si c'est un homme, elle ne va pas tarder et abandonner carrément la parole. Si c'est une femme, non. Parce que la femme sait que pour elle, la prière, c'est à la maison. À la porte, c'est à la maison. C'est pour ça qu'elle ne va pas abandonner. Mais l'homme, non. L'homme, il sait que c'est à la mosquée. Si il va se dire à quoi ça sert de la faire à la maison, peut-être que ça ne compte pas, peut-être ceci, peut-être ceci. Il va quoi? Faiblir et l'abandonner. C'est pour ça que les savants disent qu'il vaut mieux faire la prière derrière un muqtadi'. Et sa bid'a c'est pour lui et contre lui, plutôt que de la faire seule à la maison. Mais s'il y a un autre endroit où la faire en groupe, il vaut mieux éviter cet imam et ne pas faire la prière derrière lui, Inch'Allah Ta'ala. Pour la personne qui dit, quand on donne un avis, parce qu'on doit montrer la divergence, ça c'est pour la personne qui a de la science. La personne qui a de la science, quand elle dit une chose, dit par exemple qu'il y a deux avis dans cette chose, et l'avis le plus juste pour moi, c'est cet avis à cause de tel et tel délit. Et si la personne n'a pas cette science, la science nécessaire, elle dit seulement aux gens l'avis dont elle est convaincue, c'est tout. Elle dit, moi je suis convaincu avec l'avis qui dit telle et telle chose, et ça s'arrête là. Non, mais elle n'est pas obligée de donner l'autre avis aussi, qui est contraire à son avis. Mais on donne l'avis contraire quand on est avec des gens, par exemple, c'est pas les bourrines, pour discuter, pour comparer, etc. Sinon, non. Je donne seulement l'avis, et je propage seulement l'avis que dans lequel moi je suis convaincu. Et c'est cet avis, avec cet avis que j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la sœur qui a dit qu'elle allait au docteur, etc., pour emmener des enfants, je dis, si c'est possible, même en... même pour emmener les enfants au docteur, si c'est une sœur, de préférence, si c'est possible, elle les emmène chez un docteur femme, une doctoresse, si c'est possible. Quand elle, c'est une sœur, c'est mieux d'aller vers un médecin qui est femme, même si c'est pour les enfants. Car même en emmenant des enfants, elle sera obligée de parler avec le docteur, elle sera obligée. Donc c'est mieux si c'est femme avec femme, homme avec homme. Maintenant, si c'est pas possible, et qu'il n'y a que cet homme, là, je dis à cette femme qui n'est pas obligée aussi de lui faire la da'wah. Parce que ça va commencer par la da'wah, on ne sait jamais comment la fitna va venir. Là, certes, c'est possible de lui donner un livre, par exemple, de lui donner. Mais de discuter comme ça sur la da'wah, là, c'est interdit parce que ça commence par la da'wah, ensuite on commence à s'habituer l'un à l'autre, ensuite on commence à quoi? À yani, vouloir rencontrer la personne, on dit juste pour discuter, juste pour ceci, et ça termine toujours très mal. Et ça termine toujours très mal, et ça n'a jamais commencé directement par yani, les mauvaises choses. Ça commence toujours par l'islam, par ceci, cela, ça termine très mal. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter les discussions, sauf si yani, c'est une ou deux questions comme ça, des fois. Mais si à chaque fois yani, on va s'asseoir en mode discuter, il vaut mieux éviter cela. Mais si on donne un livre, Inch'Allah, c'est mieux. Ensuite, la personne qui a dit, je crois, ici, elle a dit aussi que, par exemple, donner un livre, par exemple, mettre un livre dans les boîtes aux lettres des voisins, des prospectus. Elle a dit, est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? C'est fermé. Non. Elle a dit, si jamais les coffres vont jeter. On dit, nous, on n'a pas la certitude qu'ils vont les jeter. Si le voisin me dit, si tu mets un prospectus dans ma boîte aux lettres, je l'écrase, là je mets mon pied dessus, il m'est interdit de le lui donner. Mais tant que je ne connais pas sa niya, je lui mets le prospectus. S'il le lit et il lui a été utile, alhamdoulilah pour les deux, pour lui et pour moi, j'ai les récompenses. S'il ne lui a pas été utile, il l'a écrasé avec son pied ou là, c'est lui qui a quoi? C'est lui qui a les hitl. C'est lui qui a les péchés et moi j'ai les récompenses. Car je voulais lui propager l'islam et je ne connaissais pas sa niya. Je dis ici en parenthèse, sauf si la personne sait que les voisins savent que c'est elle qui a mis le prospectus et vont lui faire du mal. Ils vont venir chez elle, lui casser la porte, ou lui brûler la maison, ou ceci ou cela, ou lui ramener la police. Dans ce cas, c'est pas la peine qu'elle fasse cette chose. Mais si elle sait que, en mettant des prospectus, il n'y aurait pas de mal, Inch'Allah, qu'elle les mette. C'est bien. On ne sait jamais ce que ça va donner. Peut-être que ça va déclencher chez quelqu'un une chose. Il va dire, peut-être qu'il va même me dire, c'est quoi ce livre? Il va insulter le livre. Il va dire, attends, je vais voir, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il voit à l'intérieur, et ensuite, subhanallah, Allah Ta'ala fait descendre quelque chose sur son cœur, qu'il le voit là que ça lui plaît, et que peut-être que même il va commencer à gagner, à chercher sur l'islam. Est-ce qu'il faut que les prospectus sur Tawhid? Pas spécialement sur Tawhid. Prospectus sur, yani, là où les, par exemple, les kuffars ont des ambiguïtés. Par exemple, surtout, par exemple, sur la vie de Jésus, sur la vie de Marie, en islam. Que dit l'islam sur Marie? Que dit-il sur Jésus? Que dit-il sur la Trinité? Que dit-il comme ça? Ce sont des choses très importantes. Non. Que dit-il sur la femme? Tous les kuffars croient que l'islam, et il fait du tort à la femme. Que la femme en islam est un esclave. Tous les copains croient comme ça. Quand on leur dit, ils livrent sur la femme en islam, le statut de la femme en islam. Non. Donc c'est pour leur enlever, Inch'Allah, des ambiguïtés. Pour le 8, si on fait le 8 à 3 rakats, si on décide de faire le 8 à 3 rakats, ou bien on fait 2, et on fait le tashahhud et le 7, on se lève, on fait une rak'a. Et dans ces deux, on lit dans la première kafirun, dans la deuxième ikhlas, dans la troisième, qul huwa Allahu ahad. Ou bien dès qu'on ajoute, avec qul huwa Allahu ahad, on ajoute qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbin nas. Et pour le qunut, on le fait dans la dernière rak'a. C'est pas possible dans les rak'a qui sont avant la dernière. Seulement dans la dernière rak'a, on le fait quand on est incliné. Non, avant de s'incliner. Quand on lit, avant de s'incliner, on fait le qunut. Si c'est maintenant, c'est pendant Ramadan, par exemple, c'est pendant le Ramadan. et c'est les 15 derniers jours, c'est permis de faire le qunut après avoir dit Sami'a Allahu liman hamida. On lève les mains quand on fait le qunut. Ça, si on le fait à trois. Maintenant, on peut faire le qunut, on peut faire le witr à trois sans faire de tashahhud ni de salam au milieu. C'est comme Salat al-Maghrib. Vous voyez Salat al-Maghrib ? Il n'y a pas de tashahhud, il n'y a pas de salam au milieu. On fait trois d'entrée. Mais si on fait le witr avec trois d'entrée, il ne faut pas s'asseoir aux deux rak'at. Car il y a un hadith authentique qui interdit de faire ressembler le witr avec Salat al-Maghrib. Donc si on décide de faire le witr avec trois rak'at d'entrée consécutive, on doit ne pas s'asseoir à la deuxième. Mais à la deuxième, on se lève directement pour faire la troisième. Non. Maintenant, si on décide de faire le witr à cinq, on peut le faire comme j'ai dit maintenant, on le fait à trois d'un coup, comme pour ne pas ressembler au Maghreb, sans s'asseoir au milieu. Ensuite, on se lève et on fait deux rakat. Ça donne cinq, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Non. Et c'est permis aussi de le faire cinq, yani d'un coup, bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant, pour l'avant-dernière question, la personne qui a dit que elle n'a pas fait Aqiqa pour son enfant qui a 3 ans. Est-ce qu'elle peut faire maintenant la Aqiqa? Je dis, la Aqiqa, on peut la faire même si on a 40 ou 50 ans. Si nos parents n'ont pas fait la Aqiqa sur nous et qu'on a les moyens de la faire, ce n'est pas une obligation, mais c'est bien par exemple de la faire. Si on est un homme, on va égorger 2 moutons. Si c'est une femme, elle va égorger un seul mouton. Quel est le délit? Le délit, c'est le hadith Hassan. Cheikh Al-Albani a dit hadith bon. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, après la révélation, après être devenu prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la Aqiqa sur lui. Il a égorgé 2 moutons pour lui, sallallahu alayhi wa sallam, pour sa Aqiqa. Donc, retenez ça, inshallah ta'ala. Maintenant, il dit, est-ce que c'est possible d'égorger au bled? Maintenant, la Aqiqa, la meilleure des Aqiqa, c'est celle qui, c'est nous qui égorgeons. C'est moi qui égorge dans ma famille, pour mon fils. Que je sois une femme, que je sois un homme. La femme peut aussi égorger en islam, comme dans le hadith Sahih al-Bukhari, il y avait une bergère qui, yani, un mouton est tombé comme ça d'un sommet, une petite montagne. Et il allait mourir, c'est ce qu'elle a fait, elle a pris un caillou comme ça, une sorte d'ardoise, il y a quand ça dans les montagnes, elle a égorgé. Le prophète, quand il a appris ça, il n'a pas blâmé. Il s'est tué. Il s'est tué, ça veut dire il a, c'est une sunna taqririya, ça veut dire que c'est permis pour une femme qu'elle égorge. Et mieux encore, c'est permis d'égorger même si elle a des monstres. Ça prouve, les savants ont dit, le prophète n'a pas demandé à cette femme ici, il lui a pas questionné, est-ce que quand tu as égorgé, tu avais des monstres ou tu ne les avais pas. Nous savons dit donc, même avec ça, il faut égorger Bismillah. Donc je dis, la meilleure Aqiqa, c'est quand c'est nous qui égorgeons. Maintenant, si je ne peux pas égorger, non. Pourquoi j'ai dit la meilleure Aqiqa, c'est nous qui égorgeons? Car c'est mieux de manger de notre Aqiqa. Comme a dit Allah Ta'ala, c'est Kulumina. Allah Ta'ala dit, mangez de votre bête égorgée, mangez d'elle. Maintenant, si je ne peux pas égorger, donc je ne peux pas manger, ou c'est interdit, par exemple en France, ou je sais pas quoi, je donne la tutelle, je charge quelqu'un, hein, d'égorger un mouton ou deux moutons à ma place, même si c'est dans un autre pays, à condition qu'il le fasse, yani, au mon nom, bi'idhnillahi ta'ala. Pour l'absence de ses prières, et la dernière question, inshallah ta'ala, pour l'absence de ses prières, une personne qui ne sait plus comment prier, qui s'oublie beaucoup dans les prières, etc., je lui dis, justement, l'essentiel dans la prière, c'est quoi? C'est d'avoir sa raison avec soi. C'est d'être présent, pas seulement avec le corps, mais surtout avec le cœur. Non. Beaucoup de gens dans la prière sont présents seulement avec quoi? Seulement avec le corps. Il est là avec son corps, et avec son cœur, il est où? Il est avec ses enfants, il est avec sa femme, il est avec le manger, il est avec le film à la télé. Il est avec le match de football. Il est avec demain où est-ce qu'il va aller. Il est avec son travail. Et comme ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit un hadith. Si je vais vous dire ce hadith-là, vous allez vous étonner. C'est un hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Attendez, je vous donne même son numéro, il est là, il n'est pas loin de moi, une seconde, je vais vous donner même son numéro. Voyez, je l'ai là, Inch'Allah ta'ala, celui-là. Le prophète Ali sallam a dit, écoutez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est très important, il se fait en même temps très important, en même temps il fait peur, en même temps il fait peur. Il a dit, inna rajula, il a dit, et la personne, inna rajula, ça veut dire, et la personne, la yusalli, prie, et une personne prie, si tinatana, 60 ans, et une personne peut prier 60 ans, il a dit, wa ma tuqbalu lahu salat, et aucune salat n'a été acceptée de lui. Subhanallah. Et la personne peut prier 60 ans sans qu'une salat ne soit acceptée d'elle. Parce que s'il a manqué, pourquoi il a dit, pourquoi il a dit, وَلَعَلَّهُ يُتِمُ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُ السُّجُودَ. Il a dit, et peut-être qu'il fait bien l'inclinaison, l'inclination, rukou'a, mais il ne termine pas le sujoud. Le sujoud, c'est la prosternation. Dès qu'il pose sa tête, son front, il se relève. Il n'aime pas, il dit pas deux ou trois fois, il n'attend pas que les eaux reviennent vers leur place. Ensuite, il a dit, wa yutimu sujud. Et des fois, il termine la prosternation, wa la yutimu rukua. Mais il ne termine pas son inclinaison. Subhanallah, son inclination. Subhanallah al-Azim, ce hadith se trouve dans Sifila Sahiha, Naam, il a dit, se trouve dans le numéro 2535. Donc, je reviens pour dire, Dans la salat, l'essentiel c'est quoi? C'est d'avoir le cœur présent. Le cœur. Il y a un châtiment, Jahannam, en enfer, spécialement pour qui? Spécialement pour les prieurs. Il n'a pas dit pour ceux qui ne prient pas. Non, pour les prieurs. Mais quels prieurs? Il a dit ceux qui, et un équipe, ne sont pas présents de cœur. Il n'est pas là. C'est pour ça que le prophète Islam a dit, tu n'as de ta salat que ce dont tu te souviens. Tu n'as de ta salat que ce dont tu te souviens. Car en fait, quand tu viens vers Allah avec ton corps, Allah Ta'ala, tout ce qu'il fait de ton corps. Ton corps, Allah Ta'ala, il a mis statut, ton corps, c'est une statue. Allah Ta'ala veut ton cœur. Qu'est-ce que tu fais avec ton cœur? Où est ton cœur? Qu'est-ce que tu es en train de dire? S'il y a le cœur, on peut dire subhanallah, alhamdulillah. S'il n'y a pas le cœur, on dit n'importe quoi. On peut même dire, Ulier, c'est un but, tu as marqué, oui. On dit n'importe quoi. Pourquoi j'ai pas le cœur avec moi? Non, je peux dire n'importe quoi. Il faut que mon cœur soit présent avec moi pour que je sache. Est-ce que vous entendiez ce que je disais? Car je viens de remarquer que je n'avais pas de micro. Alhamdulillah. Donc je dis à cette personne-là, c'est quoi? De faire des efforts. Que dans la salat, tu dois, inshallah ta'ala, faire des efforts pour que ton cœur soit pas avec toi, bi'idhnillahi ta'ala. Même si de temps en temps, yani, tu sors yani, avec ton cœur, avec yani, tu perds un peu, si je puis dire, la raison, c'est parce que tu dis, oula, de temps en temps, ma'alish. Mais du début à la fin, au point où, je me dis, je ne sais pas si c'est salat ou bon ou bien salat. Je ne sais pas si j'ai fait 4 ou là j'ai fait 2. Je ne sais pas si j'ai lu à haute voix ou là j'ai lu à basse voix. Ça, ce n'est pas une salat. Celle-là, il vaut mieux la refaire. Dans Sahih Bukhari, Ibn Hajr al-Asqalani a cité un hadith de Abdullah de Omar ibn Khattab et a dit hadith sahih, a dit hadith authentique, que Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, a guidé une fois les gens pendant Salat le Maghrib. Il n'a pas lu à haute voix. Il a lu à voix. On l'a pas entendu lire. Il descendait, se relevait, descendait. Donc. À la fin, il a dit salam alaikum. Al-Muhim. Les gens lui ont fait la remarque. On dit à Omar, on t'a pas entendu lire. On t'a pas entendu lire. Et même si tu as lu, on n'a pas entendu. Il a dit c'est. Il a dit depuis que j'ai dit Allah Akbar, j'étais en train de préparer l'armée. Je mettais telle personne à l'avant, telle personne à l'arrière. Je disais, telle personne va à gauche, toi va à droite. Toi, tu prends la lance, toi, tu prends le couteau, soit ceci, soit. Il a dit, je préparais la guerre du début jusqu'à la fin, je préparais les guerriers, je préparais les soldats. Et il a dit, je les ai préparés de Médine, je ne sais pas jusqu'où. Et il a cité la ville où il allait combattre, le pays où il allait combattre. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait la salade et les gens ont refait la salade derrière lui. Pourquoi? C'est une salade qui n'est pas acceptée, il ne savait même pas ce qu'il disait. Donc ça arrive à quelqu'un qui est vraiment très occupé. Et si quelqu'un tout le temps, il va yani, dire, je ne sais pas ce que je disais dans la salade, celui-là, il doit refaire sa salade. Donc je conseille ce frère ou cette soeur, avant de rentrer dans la salade, yani, de faire le wudu, de faire si c'est possible, de rak'at avant la salade pour yani, se préparer, de lire un peu le Coran. Comme ça, on va yani, d'une adoration vers une adoration. Ce n'est pas comme on va, par exemple, on va du stade à la prière. Regardez la différence. Donc, si quelqu'un est en train de lire le Coran, ensuite, c'est le moment de salat, il rentre dans la salat. Il était où? Il était dehors, il rentre dans la salat. Il a toujours son cœur avec lui. Il pense toujours à Allah, au paradis, ce qu'il vient de lire dans le Coran. Comparé à lui qui était au stade. Qui était au stade, et qui maintenant, c'est le moment de la salat. Donc, du stade, il va rentrer, il va dire Allah, il va rentrer dans la salat. Celui-là, il ne va penser qu'au but, qu'au pénalty, qu'à l'arbitre, qu'à le carton rouge, carton jaune, et comme ça. C'est pour ça qu'ils vont mieux se préparer, Inch'Allah Ta'ala, avant de rentrer dans la salle. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui, on arrête ici. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, mercredi. D'ici là, je vous verrai, Inch'Allah Ta'ala, bichir, et je demanderai à ce qu'on a fait de rafraîchir mon cœur, et de nous faire apprendre la religion, nous aider à pratiquer. Je vous donne d'abord le micro avant de quitter, pour savoir s'il y a quelque chose, Inch'Allah Ta'ala. Moi, je me permets juste de reprendre le micro pour dire aux frères et aux sœurs de bien écouter les consignes qu'on donne, notamment Cher, quand il vous donne consigne comment poser les questions ou comment on doit s'organiser, ou Muslim ou autre. Donc, Allah fait comme de respecter l'organisation qu'on met. Je sais que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais malgré le fait que j'ai parlé, il y a encore eu des PV qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on souhaitait. Donc, Barakallahu fikoum, si vous avez déjà des conseils par rapport à l'organisation, elles sont les bienvenues. On accepte tout conseil qui pourrait nous aider à améliorer la situation. Mais tout à l'heure, à cause de ça, on n'a pas pu prendre énormément de questions. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de refaire cette organisation à partir si on a trouvé quelque chose de mieux. Et donc on vous demandera de la respecter cette fois-ci, Inch'Allah, c'est-à-dire de m'envoyer à moi les questions qui sont en rapport avec le cours. Et le reste sera envoyé sur le site. بارك الله فيكم وربي يجازيكم خير ربي يجازيكم نعم سي كما دي لو فرير ابن محمد نو انا voulu يعني aller un peu vite et vous aider comment si vous envoyez toutes vos questions sur le site ensuite Muslim quand il va dire c'est difficile pour lui de trier car on doit commencer par les questions qui ont rapport avec le cours c'est plus important de poser la question sur le cours. C'est plus important, c'est-à-dire que tu as écouté, tu as des problèmes, tu n'as pas compris, on doit éclaircir. C'est mieux que on donne la question à quelqu'un qui va nous parler du mariage, du divorce et des monstres. Donc ça c'est mieux. Donc on a dit, c'est mieux, ceux qui ont des questions en rapport avec le cours, envoient directement à Ibn Muhammad Jazair pour leur faciliter la tâche. Non. Donc, on n'a pas dit d'envoyer des cours de mariage, etc. à Ibn Muhammad. On a dit on envoie des cours qui sont en rapport avec le cours. Et les autres, il n'y a pas de problème. Vous les mettez sur le site et elles vont être vues, Inch'Allah Ta'ala, par Muslim. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inch'Allah Ta'ala, on va se rencontrer mercredi dans le troisième fondement de Ibn Ibn Subhanahu wa Azzawajal. Subhanahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk. إن والعصر إن الإنسان لا يخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر